Donc merci à vous d'être venu nous présenter l'usage que vous faites de cette notion de cœur dans vos travaux et la réflexion autour de cette notion. Donc merci pour cette invitation et pour le cadre de ce séminaire. On a divisé avec Delphine un peu la présentation des théories du cœur et l'utilisation que l'on fait. Ce sera un peu un va-et-vient entre elle et moi. Je vais commencer par introduire ce que c'est les théories du cœur, un peu une forme d'histoire du concept et une définition, plusieurs définitions qui sont faites de ces théories. Ensuite, Delphine présentera les tensions qui sont toutes autour de ce concept. Et on reviendra sur des cas pratiques à la fin, chacun à partir de son terrain, pour illustrer et pour montrer les différentes utilisations qu'on en fait d'un point de vue méthodologique et pratique. Donc, l'histoire des théories du cœur, est liée à une critique, plutôt à une voie critique. Et plutôt liée à une critique, ou plutôt à des voies critiques. Celle de Carol Gilligan, notamment, avec son célèbre essai de 1982, In a Different Voice. Donc, Gilligan, qui travaillait avec Laurence Goldberg sur les théories cognitives, a proposé une première lecture critique des théories de Goldberg en questionnant notamment la manière dont Goldberg hiérarchise les individus, ou plutôt comment il hiérarchise d'une manière séquentielle les individus, mais l'apport majeur de oui, il y a on a apporté les différents livres, on peut les faire tourner par ailleurs, ça sera fait. L'apport majeur de théories du cœur selon Gilligan, et comme le reprend Patricia Paperman et Sandra Logier dans l'introduction notamment de la deuxième version, de la deuxième édition de Une voix différente parue en 2008, Gilligan donc avance une objection majeure au test de Kolberg qui considère que le degré le plus élevé du raisonnement moral met en œuvre des principes de justice abstraits et impartiaux. La question centrale des théories du cœur, finalement, pas finalement au début, au contraire, c'est cette question critique des théories de justice. Tout au long des différentes séances, vous avez pu voir cette question de la justice, comment elle a été traitée et développée dans une perspective critique. La critique, donc, ou la voie critique que porte Gilligan, part d'un dilemme moral. Le dilemme désormais connu de Heinz. Donc Heinz n'a pas d'argent pour acheter le médicament qui permettrait de soigner sa femme, gravement malade. Le pharmacien ne veut pas lui donner. Heinz doit-il voler le médicament? Donc à la base de cette réflexion, on a ce dilemme moral. Est-ce que Heinz doit voler le médicament pour soigner sa femme malade et le méchant pharmacien ne veut pas lui donner? La question ici est, donc Gilligan, en faisant la comparaison entre les réponses apportées, ce dilemme fait partie du corpus qu'a travaillé Kolberg pour sa recherche. Et il est très, très catégorisé, très... donc les réponses, elles sont très par choix, il n'y a pas beaucoup de place pour le développement de raisonnement. Donc voilà, Gilligan, elle remarque une différence entre les garçons et les filles, notamment entre Amy et Jack. Et donc elle identifie une différence entre les deux enfants et fait apparaître les limites des présupposés du raisonnement de justice élaboré par Kolberg. Parce que finalement, cette critique, elle met en valeur principalement cette frontière de sexe. Donc, en effet, Gilligan a pu identifier une frontière de sexe à l'œuvre dans cette conception de la morale exprimée en termes de justice et de droit. Donc, elle distingue deux modes d'être. L'une consiste à séparer des autres, comme lors de la socialisation des garçons, qui conduit à une morale fondée sur la justice, et une seconde qui consiste à relier les autres, se relier aux autres, et à réserver à la socialisation des filles, qui conduit à une morale fondée sur le cœur. Ce qui permet à Gilligan de faire une différence entre une morale séparée, dans laquelle les relations sont vécues en termes de réciprocité, trouvent leur médiation dans des règles et sont fondées sur des rôles, et une morale reliée dans laquelle les relations sont vécues comme une réponse aux autres, dans leurs termes mêmes, médiatisée par l'exercice du care et fondée sur l'interdépendance. Et je vais revenir sur deux points à partir des travaux de Laurence Bloom, centraux dans la différence que fait Gilligan par rapport à Kohlberg. Je vais revenir sur à partir des travaux de Bloom, mais aussi ensuite par les travaux de Trantow. Donc, Bloom, elle identifie deux points majeurs dans cette différence entre Gilligan et Kohlberg. Pour Gilligan, la morale individuelle est radicalement située, incarnée, ce qu'elle nomme particularized, excusez mon anglais, mais, définie par sa propre histoire et relation d'amitié et de connexion aux autres. L'individu n'essaie pas de se soustraire de ce soi particulier, et à la différence de Kohlberg, qui est, pour acquérir un point de vue impersonnel, ce qu'il appellerait un point de vue moral. Ainsi donc, pour Gilligan, la morale du care concerne un individu particulier, qui, caring for and about the particular friend, avec qui il a une relation spéciale ou particulière. Le deuxième point de différence entre Gilligan et Kohlberg réside dans ce qu'elle nomme comme whom one is acting with, acting and with whom one stands in some relationship. Donc finalement sur l'action de l'agent moral. L'agent moral doit comprendre l'autre personne comme un individu spécifique, non en tant que catégorie morale générale, mais comme un ami ou une personne dans le besoin. Pour Gilligan, l'action morale en soi implique une irréductible particularité particulière pour l'individu, les autres et la situation. À partir de cette logique ou de cette lecture critique de Gilligan, on peut dès à présent présenter une forme de définition qu'on retravaillera au fur et à mesure, mais une première définition de ce mot care. Donc, ce mot care qui est traduit en français généralement par soin, attention, sollicitude, concernement, est apparu dans le sillage de la deuxième vague du féminisme américain, donc à partir notamment des travaux de Carol Gilligan. Donc, ou dans la voie différente, elle développe et alors comprise comme la mise en question d'une éthique dominante exprimée en termes de justice, d'universalisme, en faveur d'une éthique du care qui met en valeur l'attention portée à autrui et les sentiments. L'originalité de cette éthique réside dans sa capacité à prendre en considération l'être, non seulement en tant qu'être particulier avec son histoire et son environnement, mais aussi dans son rapport à l'autre. Gilligan dessine ainsi le portrait de l'agent moral en le fondant sur les relations, amis, collègues, parents, enfants, par lesquelles ce dernier se construit en s'affrontant avec les autres. Contrairement à la morale kantienne, dans laquelle l'individu répond à des règles et des lois principalement générées par sa propre raison. Donc la définition de cette perspective, qui a pris le nom de care, permet de réévaluer toute une série d'activités généralement mises à l'écart, ignorées, voire méprisées, et souvent reléguées à la sphère privée ou intime, qui sont le lot des femmes d'une part, et de tous les outsiders du pouvoir d'autre part. Dans la continuité de cette définition, je vais introduire un peu ce que nous a proposé Trantow dans Moral Boundaries, qui a été traduit il y a 2 ans à la découverte. Trantow, elle propose une lecture de la théorie du care beaucoup plus ancrée dans la pratique. Et elle défend notamment cette perspective que le care, c'est une perspective pratique de l'action. Le livre est très intéressant parce qu'elle développe notamment toute une partie historique de l'apparition ou de la non-existence du care dans nos sociétés, et notamment d'une bataille des Lumières anglaises où elle montre explicitement comment cette morale qui serait fondée sur la relation à l'autre a été mise à l'écart au profit d'une morale universaliste, d'une morale de l'individu d'une manière je dirais, abstraite. Le travail de Trento permet justement d'étudier comment cette morale dominante a permis de s'imposer, de comprendre pourquoi les sentiments moraux sont devenus une histoire de femme et de montrer que les cadres conceptuels traditionnels ne permettent pas de penser le Caire dans son unité, que celle-ci soit morale et entrée aux interactions sociales ou politique en tant qu'outil d'action collective. Le deuxième grand apport du travail de Trento, c'est la notion de que ces théories du Caire sont fondamentalement politiques. Les théories du Caire, c'est un outil, ça peut être en tout cas un outil politique pour questionner la place des rapports de pouvoir et la place des dominés dans la société. Donc à partir d'une position et d'une posture féministe, Joan Trento identifie trois ensembles de frontières de la morale, donc une frontière entre l'éthique et le politique, entre morale et point de vue moral, entre sphère privée et sphère publique, qui contribue à exclure les femmes, les personnes de couleur, les travailleurs, les domestiques de la pleine appartenance aux sociétés contemporaines. Je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais on pourra en revenir pendant le débat. Parce que là, il me reste, ce que j'ai calculé, 5 minutes, 5-10 minutes. Je vais juste lire un petit paragraphe. On reviendra dessus après. Donc la lecture contextualisée des conditions politiques, sociales et économiques prévalentes dans le XVIIe et XVIIIe siècle permet à Trento d'expliquer comment l'essor de la société marchande contribue à placer les sentiments et la vulnérabilité à la marge de la sphère publique, d'une part, et à favoriser le développement d'une morale à prétention universelle au détriment de toute autre morale contextuelle. Au contraire, Trento soutient que la théorie morale ne peut pas être séparée du contexte social, historique et politique, et que si l'étude du développement moral se poursuit sans aucune compréhension de son contexte politique, elle renforcera nécessairement l'idée d'une supériorité morale des puissants. Questionnant le principe d'un point de vue moral universel, construit en opposition avec le particulier, Trento revient sur la philosophie écossaise des Lumières pour saisir le moment où la morale universaliste s'est déployée en rupture avec une morale contextuelle construite dans une proximité avec autrui. Laila Raïd, notamment dans le livre de coordonné par Molinier, Paperman et Logier, résume ainsi, c'est l'histoire où le Caire aurait en quelque sorte, avec Hume et d'autres, perdu une bataille décisive, échec qui explique la configuration moderne des pensées, où domaines du Caire et de l'autonomie sont devenus trop souvent anti-éthiques. Selon Trento, plus le développement du cosmopolitisme et de la production économique s'accroissait, plus la famille s'écartait de la vie économique et devenait privée. Plus la place des femmes dans l'espace public changeait. À ce propos, Trento propose une lecture critique des penseurs des Lumières, à l'instar de Rousseau, Montesquieu ou Fénelon, chez qui les femmes devaient être contrôlées pour s'assurer leur conduite morale et pour que ces dernières puissent être comme des remparts contre la corruption du marché et la vanité de la sphère publique. Ainsi, Trento peut conclure que le déclin de l'idée de la vertu civique a été suivi par un renforcement de la famille comme institution vertueuse et du lieu où les femmes seront confinées, où la sensibilité morale, l'attachement aux autres et à la communauté sont devenus des attributs genrés et privés. Trento et l'apport du travail de Trento apportent aussi, entre autres, une critique à ce qu'a pu proposer Gilligan, notamment toutes ces critiques qui ont porté sur le Caire, comme serait une forme d'essentialiser cette éthique ou de la qu'elle serait différentialiste dans le sens où ce serait les femmes légitimement qui porteraient le sentiment du Caire. D'ailleurs, c'est toute une partie du travail de Trento où moi je trouve d'une manière assez intéressante et avec plein d'humour, elle critique notamment cette posture de Gilligan et à un certain moment critique le manque de radicalité du travail de Gilligan. Ainsi, posant la question du genre comme une limite de la psychologie du développement moral, comme ça a été énoncé par Gilligan dans sa critique de Kohlberg, Trantaud cherche à intégrer le Caire à une vision générale où les lignes de fracture sont dans les positions des outsiders face au pouvoir et non seulement selon les déterminants genrés. Donc, finalement, elle pose la question en essayant de décloisonner ce concept par rapport à cette question de genre, en la posant par rapport à une question beaucoup plus large qui est celle de tous les outsiders au pouvoir. Ce qui nous amène un peu au centre de cette définition des théories du Caire, que serait le Caire comme outil politique d'analyse des rapports de pouvoir. Donc, Trantaud reconnaît le potentiel de la critique que fait Gilligan de la théorie du développement moral, introduite par les travaux de Kohlberg. En effet, Gilligan a pu identifier une frontière de sexe à l'œuvre dans cette conception de la morale exprimée en termes de justice et de droit. Elle distingue deux modes d'être. L'une consiste à séparer les autres, comme la socialisation des garçons, et l'autre consiste à les relier, comme on l'a vu tout à l'heure. En s'associant aux travaux des féministes afro-américaines, Trantaud considère cependant que l'approche de Gilligan comporte une dimension essentialiste dans la mesure où elle associe un sexe au sentiment, ce qui perpétue l'assignation des femmes à la sphère privée et leur éviction hors du champ politique. Selon Trantaud, les lectures de Kohlberg et Gilligan laissent intactes les frontières entre vie privée et vie publique, et entre justice et sollicitude, puisqu'à chaque fois, les deux domaines sont pensés en termes de séparation et non d'égalité. Le potentiel de radicalisation des idées de Gilligan a donc été contenu dans les frontières morales actuelles, conclut l'auteur. Donc, le Caire, selon Trantaud, devient au contraire l'instrument d'une analyse politique critique qui permet de révéler les rapports de pouvoir à l'œuvre. En effet, le travail de soin ne satisfait pas seulement des besoins, mais doit être replacé dans le contexte social et politique de ceux et celles qui le reçoivent et de ceux et celles qui le pratiquent. Trantaud soutient que le pouvoir du Caire est considérable et que pour cette raison, son confinement est nécessaire. Le Caire est utilisé, en la citant, le Caire est utilisé par les puissants pour manifester leur pouvoir et le préserver, comme c'est le cas lorsque les dirigeants font appel à d'autres pour effectuer le travail de soins autour d'eux, afin de disposer davantage de temps pour diriger. À partir de cette lecture, les théories du Caire sont présentées comme un outil conceptuel et politique capable de déplacer les frontières de la morale dans la perspective d'un changement radical des inégalités. Le concept du Caire, les théories du Caire, c'est un concept en devenir. Trantaud propose une définition plus large, qui ne se limite pas aux interactions des humains avec les autres, mais aussi avec les objets et l'environnement. Conscient du caractère étendu, à la fois descriptif et normatif de cette définition, Trantaud propose de penser le Caire comme un processus, une rationalité, une méthodologie pratique, une disposition afin d'attirer l'attention, de rendre visible ce qui est sous nos yeux et que l'on ne voit pas. La perspective du Caire doit non seulement qualifier et rendre compte des activités, longtemps passées sous silence, mais aussi mettre en valeur les sentiments et les personnes qui les portent. Patricia Paperman parle alors de mettre en rapport le dénigrement moral de l'émotion et la dévalorisation des femmes, mais aussi des autres groupes sociaux qui prennent en charge les activités du Caire. Pour décrire le Caire en tant que processus actif, Trantaud propose quatre phases qu'elle associe chacune à une éthique particulière du travail de Caire. Se soucier d'eux, caring about, faire attention aux besoins du Caire, prendre en charge, taking care of, assumer la responsabilité du Caire, prendre soin, caregiving, le travail effectif qu'il est nécessaire de réaliser, la compétence, en quelque sorte, recevoir le soin, care receiving, la réponse de celui qui en bénéficie, la capacité de répondre. Dans la continuité de Trantaud et le choix des textes de Glenn, notamment de deux textes de Glenn pour présenter cette séance, c'est notamment par rapport à l'utilisation. Finalement, la grande question par rapport aux théories du Caire, comment peut-on les mobiliser pour analyser nos terrains, nos objets de recherche. Et ce qu'on a jugé un peu pertinent dans le travail de Gilligan, c'est notamment cette capacité à mobiliser ces théories à partir des rapports de classe, à partir des rapports de race, de genre, et cette capacité de produire une forme d'intersectionnalité où les sentiments ont une place et sont questionnés. Ainsi, Glenn, à travers une lecture historicisée du travail domestique, montre que les raisons de son invisibilisation sont liées aux structures mêmes du capitalisme et des rapports de force inhérents à son propre maintien, division sexuelle du travail, racialisation du travail domestique ou imbrication des rapports transnationaux. Cette approche historique du travail domestique permet de sortir des analyses en termes diadiques, sortir des analyses de la sociologie du travail classique, je dirais, employeur-salarié, pour poser le débat dans une perspective politique plus large. Je vais m'arrêter là pour le... À toi, Delphine. Alors, comme Wassim vous l'a mis en évidence, les théories du Caire, c'est une pluralité de théories. Alors, c'est vrai que nous, on a choisi d'insister plutôt sur certains auteurs, et notamment sur Tronto et Glenn, parce qu'il nous semblait que c'était les perspectives du Caire qui portaient la force critique la plus élevée de ce concept. De fait, si vous regardez les usages de ce concept, il y en a des usages vraiment très pluriels, dont certains renvoient à une conception qui est, comme le soulignait Wassim, essentialisée, féminine, comme si... le Caire, ça renvoyait à des dispositions dont seules seraient porteuses les femmes presque par nature. Nous, évidemment, ce n'est pas ce qui nous a semblé le plus intéressant. Et ce qui nous a semblé le plus intéressant, c'était de mettre en évidence à la fois la puissance critique et descriptive de cette notion. Et ce qui ne la rend pas pour autant moins problématique, c'est une notion qui est difficile à manipuler. À la fois, c'est une notion qui est éclairante, qui met en lumière à la fois certaines activités et certaines questions comme... qui fait partie de la communauté, avec qui nous sommes-nous en relation, de qui dépendons-nous dans la vie. Donc c'est une notion qui est éclairante et qui met en lumière, et qui, parce qu'elle met en lumière, par les activités qu'elle met en lumière, par les personnes qui réalisent cette activité, par les personnes qui sont bénéficiaires de ces activités, ce concept, il a une portée politique. Et c'est ça qui nous semble fort et intéressant. Pour autant, c'est un concept voilà, qui est vraiment au cœur de différentes tensions. Je voudrais mettre en évidence certaines de ces tensions et mettre en évidence l'articulation, le fait que cette notion, elle a apparu dans une perspective critique des théories de la justice à un certain moment, mais que certaines réappropriations de la notion ont mis en évidence le fait que ce qui était intéressant, ce n'était pas forcément d'en rester à une opposition avec les théories de la justice, mais bien de voir comment éventuellement le questionnement du Caire faisait se reposer des questions finalement de justice, et c'était à ce moment-là que ce concept acquérait une dimension politique. Alors, première tension qui rend ce concept un peu difficile à manipuler, c'est la tension entre le Caire comme une éthique animée par le souci de l'autre et le Caire comme ensemble d'activités de soins. De fait, ce terme désigne à la fois une dimension morale et à la fois un ensemble de tâches, de pratiques, un travail, comme soulignait Wassim. Et par là, il renvoie en fait à alors à chaque fois, je commence par dire il y a deux dimensions, puis c'est comme une blague des Monty Python, à la fin il y en a trois. Ça désigne à la fois un certain type d'activité, de soins, alors pas, évidemment pas seulement de soins curatifs, de soins médicaux, mais plutôt l'ensemble un prendre soin plus général, alors une activité qui peut être réalisée dans le privé pour des proches, mais ça peut être aussi une activité professionnelle pour accompagner les personnes dépendantes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées ou malades, mais aussi en fait toutes les activités pour prendre soin au quotidien dont on dépend, avec le sens que soulignait Tronto, toutes les activités qui contribuent à rendre notre monde vivable, à nous permettre, toutes les activités qui contribuent au fait de nous permettre de continuer à vivre dans notre monde. Alors, donc c'est premier sens, un certain type d'activité. Deuxième dimension, la sensibilité, la disposition, l'attitude que requièrent ces activités, où se déploie un certain souci de l'autre, une certaine attention à l'autre, avec une perception de sa vulnérabilité et de ses besoins. Et je le distingue du troisième sens, qui est une éthique, éventuellement les valeurs morales qui sont portées par ce type de disposition. Je le distingue parce qu'en fait, il me semble que dans cette sensibilité, cette disposition d'attention à l'autre, il me semble que c'est à la fois une disposition, et sans doute une disposition morale, mais aussi une activité en soi. Donc c'est un niveau un peu intermédiaire. Alors, la question c'est, est-ce qu'on pourrait distinguer, est-ce qu'on pourrait isoler ces dimensions, et notamment la dimension d'activité, de pratique du care et la dimension morale. Est-ce qu'on va définir du coup le care plutôt par le contenu des tâches, ou est-ce qu'on va définir, ça je reprends le questionnement de Pascal Molinier, est-ce qu'on va définir le care plutôt par le contenu des tâches, ou est-ce qu'on va le définir plutôt par la manière de les accomplir ? Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut s'intéresser aux activités de soins en enlevant le souci de l'autre qui les anime ? Et notamment toutes ces activités de soins, alors on peut penser à tout le travail, enfin je ne sais pas, le travail des aides-soignantes à l'hôpital, le travail des femmes de ménage, le travail des hommes de ménage, le travail des aides à domicile, le travail des parents quand ils s'occupent de leurs enfants, le travail entre collègues quand on participe à une tâche commune. Est-ce que ces tâches peuvent être pleinement réalisé sans le souci de l'autre, et est-ce que toute cette série de tâches qui consiste à prendre soin des autres, ça peut être fait sans affectivité, sans émotivité rattachée. Qu'est-ce que ça veut dire un soin qui serait efficace, mais qui serait froid, qui serait dépourvu d'une relation humaine, éventuellement qui pourrait aller jusque... Est-ce qu'un soin qui est réalisé sans une attention à l'autre et à sa singularité, est-ce que c'est pas ça qui finit par verser dans des formes de maltraitance et qui finit par accomplir la liste des tâches à accomplir, mais sans l'attention à l'autre qui fait que ça prend sens. Cette première tension, elle en fait apparaître une deuxième, c'est quand on parle de care. Est-ce qu'on parle forcément de la bonne manière de réaliser ces tâches de soins, ou est-ce qu'on peut penser à des formes de mauvais care ? Et souvent, il y a une ambivalence parce que sous le terme de care, on va décrire ce qui serait un bon soin, alors qu'en fait, le sens du care, c'est pas du tout univoque, parce qu'en fait, ce sont des relations qui sont souvent traversées de relations de pouvoir, ce sont des relations asymétriques. Alors, ça ne veut pas dire que le sens du pouvoir va forcément dans un seul sens. C'est pas forcément la personne qui reçoit des soins, qui subit l'activité de l'autre, éventuellement la personne qui reçoit les soins peut être en position d'exercer une domination sur celui qui lui fournit les tâches de care, et ça oblige à regarder de manière large les relations de dépendance, et notamment dans tout ce qui est la relation de travail de care salarié. Si la personne dépend de son employeur, elle peut être prise elle-même dans une série de contraintes et une série de dépendances qui fait que les relations de pouvoir ne sont pas univoques et peuvent se renverser. Deuxième tension, le care à la fois a une force descriptive de toutes ces tâches de soins, et en même temps il a une dimension normative qui fait que c'est une notion difficile à manipuler, et je pense qu'il faut être attentif quand il est utilisé ou quand on souhaite l'utiliser au registre dans lequel on l'utilise, et si à un moment donné on finit par y donner une dimension normative, dans ce cas-là il faut en prendre conscience pour pouvoir la critiquer ou pour pouvoir l'identifier, tout simplement pour pouvoir se situer dans son usage. Alors je vais peut-être pas avoir le temps de tout développer si on va avoir le temps de discuter, puis on voulait vous proposer en plus des exemples sur l'usage qu'on en fait. Je vais souligner un point qui est que Wassim a un peu indiqué, donc la notion de care, elle est issue d'une attention à des activités qui ont été en partie qui sont en partie réalisées par les femmes, et elles ont conduit par certains, dans leur réévaluation, elles ont été parfois mobilisées d'une manière qui tendait à essentialiser ces activités de care et essentialiser les qualités qui sous-tendraient les activités de care en les attribuant à des qualités féminines, comme la douceur, l'attention, l'émotivité qui soutiennent ces activités. Il est intéressant quand on regarde justement qui réalise ces activités de care, que ce ne sont pas seulement les femmes qui réalisent ces tâches de care, dont une partie est déléguée. On peut voir que ces tâches de care, elles sont de manière disproportionnée, comme le soulignent Tronto et Glenn notamment, elles sont de manière disproportionnée déléguées à ceux qui sont issus de groupes désavantagés, les femmes, les groupes de couleur, les immigrés. il est en permanence délégué, relégué plutôt à ceux qui ont un faible pouvoir, un faible statut économique, politique ou social. Et ce qui fait que l'activité, ces activités qui sont souvent mal considérées par un cercle vicieux, c'est ce que souligne à la fois Tronto et Glenn, par un cercle vicieux, perd encore de la valeur. Enfin, il y a une circularité entre le fait que ces tâches sont déléguées à des personnes qui ont socialement peu de pouvoir et le fait que ces tâches sont mal reconnues. Ces activités, elles sont souvent jugées peu importantes, triviales, voire dégradantes. Du coup, elles sont souvent mal payées avec des conditions de travail difficiles. Les compétences qui sont requises pour réaliser ces tâches sont souvent mal reconnues, ce qui fait que ce sont des personnes qui ont des qualifications peu reconnues ou avec peu de qualifications socialement reconnues, comme des diplômes dans le pays où elles travaillent, qui les réalisent. Et ceux qui en sont chargés occupent des positions marginalisées, soit confinées à la sphère privée, soit avec un statut précaire éventuellement dans la société. J'avais juste deux petits exemples. Je suis tombée sur un extrait dans un roman qui est le roman de Noémie Lefebvre qui s'appelle « L'état des sentiments à l'âge adulte hein, ». Et il y a notamment une discussion avec son compagnon qui lui reproche de... alors il se trouve qu'elle a un diplôme en sciences sociales. Je ne voudrais pas vous faire un tableau noir de ce qui attend les titulaires d'une thèse. Mais il y a une discussion entre elle et son compagnon, et son compagnon estime que le travail qu'elle a pris, qui consiste à aller s'occuper de personnes âgées à domicile, n'est pas un travail digne d'elle. Alors, je vous cite cet extrait, puis ensuite je vous donnerai un autre petit exemple de manière très courte, qui est plutôt dans le domaine académique. Il avait dit « Si t'en as pas marre d'aller torcher le cul des vieux, moi, c'est pas l'idée que je me fais de la réussite. Pour la réussite, il faut un avenir, et l'avenir, il n'est pas dans le cul des vieux. » C'est pas qu'il ait tort, hein. Le vieux n'a jamais été l'avenir de l'homme au sens humain, mais l'avenir de l'homme, faudrait savoir s'il y en a un autre possible. Merde, il avait ajouté, quand même avec ton diplôme, tu vaux sûrement quelque chose. Et pour vérifier ma valeur, il m'avait emmené sur les sites de marché du travail. Regarde, avec un diplôme, tout ce qu'il y a, le diplôme, ça veut dire quoi? Je lui demandais. Alors il s'énervait. Le diplôme, ça veut dire des compétences. Sa motivation mourait pas, il revenait à mon cas, mon bilan de compétences, il le faisait comme de rien, il sait tout de moi. Il s'est penché sur mes acquis de l'expérience, il avait sorti la culture de mon expérience, il cherchait la culture et il avait trouvé médiateur culturel. Voilà un métier, pourquoi tu ne ferais pas médiateur? La culture c'est ton truc et c'est tout de même plus élevé que le cul des vieux. Voilà, ça situe bien le niveau des tâches qui sont comprises sous le niveau du CAIR. Tronto, elle y inclut des tâches plus larges d'entretien de notre monde, ce qui veut dire elle y inclut par exemple la question du traitement des ordures. Quelle est la place du traitement des ordures dans notre société et comment est-ce qu'on considère ceux qui accomplissent le traitement des ordures, des déchets, etc. Mais ça dit aussi beaucoup de choses sur la place des personnes dont on s'occupe, quel est le statut aujourd'hui des personnes âgées, quel est aussi aujourd'hui le statut des personnes qui dépendent de manière visible. Du soin d'autrui. Parce que ce que met en évidence Tronto, c'est qu'il y a ceux qui dépendent de manière visible du soin d'autrui, et puis il y a tous ceux qui dépendent du soin d'autrui, mais de manière invisible. C'est ce qu'elle appelle le... Je vais vous donner la bonne expression, parce que je l'ai lâché partiellement. C'est l'irresponsabilité des privilégiés. L'irresponsabilité des privilégiés, c'est ceux qui... Les privilégiés, c'est ceux qui peuvent ignorer en partie à quelles conditions leurs besoins sont satisfaits et la manière dont les besoins des autres sont satisfaits. Les privilégiés, c'est ceux qui n'ont pas besoin de se voir opposer leur dépendance. C'est ceux qui peuvent être dépendants, mais tout en l'ignorant. Et alors, juste pour donner un exemple académique, actuellement, je suis en train de m'occuper d'un dossier pour une revue, à la suite d'une journée d'études, sur la question de la décision pour autrui. Et avant de soumettre le projet de dossier à la revue, je l'ai soumis à un chercheur que je connaissais, ce dossier commençait, enfin la proposition de dossier commençait par l'exemple d'une personne âgée à domicile qui faisait une chute et se posait la question de savoir si cette personne âgée devait être entrée en maison de retraite ou pas et qui allait prendre la décision. Est-ce que c'était elle? Est-ce que c'était son médecin? Est-ce que c'était ses proches? Qui au sein de ses proches et comment est-ce qu'on allait décider des motifs légitimes pour la faire interner, est-ce que les motifs médicaux allaient primer, enfin quelles étaient les conditions de légitimité de la décision pour autrui. Et le chercheur très gentiment donc, a lu ce projet, a fait un certain nombre de remarques et il m'a dit, mais tu sais, si tu veux que d'un point de vue stratégique, moi je trouve votre dossier très intéressant bien sûr, mais d'un point de vue stratégique, il ne faudrait peut-être pas commencer par cet exemple afin de ne pas donner, je cite, l'impression au lecteur pressé, et il faut toujours supposer que le lecteur est pressé, que le dossier porte sur la façon de gérer les accidents domestiques des petites grand-mères. Parce que les accidents domestiques des petites grand-mères, ce n'est pas un objet digne. C'était un exemple qui disait pas mal de choses. Voilà. Donc, ce que permettent les théories du CAIR, c'est de réinterroger la manière dont sont distribuées au sein d'une société les tâches de soins et la manière dont on tient compte à la fois des personnes qui reçoivent les tâches de soins et ceux qui les réalisent. Donc ça inclut des questions de justice, je vais aller plus vite, enfin je n'allais pas plus vite en parlant parce que je pense que je parle suffisamment vite, mais je ne vais pas tout raconter, mais il me semble que ça mérite d'être posé en termes de questions de justice, c'est-à-dire pas seulement la question de la reconnaissance symbolique des activités de CAIR en disant mais oui les personnes qui les font sont dignes et les personnes qui les reçoivent sont dignes et ah là là ces tâches sont importantes, oui ces tâches sont importantes et oui c'est sans doute important de le reconnaître, mais c'est pas seulement une dimension de reconnaissance symbolique, ça implique une véritable interrogation sur les conditions de travail de ceux qui les réalisent et sur la question notamment, et ce qui inclut quand on pose la question des conditions de travail, ça inclut aussi la question des revenus. La question de quel est le niveau de revenu, comment est-ce qu'on salarie, à quel niveau de salaire on évalue ses tâches et quelles sont du coup les conditions de vie de ceux qui les réalisent et quelles sont les conditions pour que soit réalisé un bon CAIR. Ça porte un éclairage spécifique donc sur les activités qui sont réalisées par exemple dans les établissements pour personnes âgées, dans les hôpitaux, dans l'aide à domicile. Je terminerai par un problème qui est, est-ce qu'on peut poser le CAIR comme un objectif politique et est-ce qu'on peut problème qui est formulé à un autre niveau par Luca Pataroni dans son article dans le livre qui est dirigé par Patricia Paperman et Sandra Logier qui s'appelle Le souci des autres, éthique et politique du CAIR. La question que pose Luca Pataroni, c'est peut-on institutionnaliser le CAIR? Est-ce que le CAIR peut être un objectif professionnel? Et de fait, on se rend compte que quand on fait du CAIR une norme des activités de soins, du bon CAIR une norme des activités de soins, ça peut avoir des effets délétères, avec des effets délétères, de la même façon que la notion de bien-traitance, par exemple, peut avoir des effets délétères quand elle est portée en institution, parce que quel est l'effet de l'injonction à la bien-traitance? Qu'est-ce que ça veut dire d'enjoindre au bon CAIR quand on n'en donne pas les moyens? L'effet, c'est de rendre comptable et responsable les individus de ce qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser. Quand on demande de réaliser un bon soin et d'être bien-traitant à des aides-soignantes qui doivent faire X toilettes par jour à l'hôpital, ça fait que si éventuellement il y a des conséquences négatives, qu'une infirmière se trompe dans un traitement à réaliser, qu'éventuellement une aide-soignante a recours à des contraintes physiques pour qu'une personne âgée ne tombe pas pendant qu'elle fait une toilette à une autre personne âgée, dans ce cas-là, on tient pour responsable individuellement cette aide-soignante sans tenir compte du fait que, concrètement, on lui demande à la fois de surveiller les personnes, de les protéger et en même temps de faire les toilettes. Mais là, en l'occurrence, on voit que le CAIR ne peut pas être mis comme objectif institutionnel, mais par contre que les perspectives du CAIR sont éclairantes pour mettre en évidence les conditions de travail des personnes, puisque les théories du CAIR mettent l'accent aussi sur ces conditions de travail. Et en l'occurrence, elles vont mettre l'accent aussi pour montrer les apories, par exemple, de la gestion managériale des activités de service. Les théories du CAIR vont montrer que les évaluations individualisées et quantitatives, la recherche d'efficacité, va négliger la dimension temporelle et collective qui est nécessaire pour réaliser ces activités. Donc, s'intéresser aux conditions de réalisation du CAIR, c'est mettre aussi en évidence les conditions de maintien de notre monde et de ceux qui y participent. Peut-être qu'on passe tout de suite à des exemples si on a encore un petit peu de... J'ai tellement speedé que du coup... Donc voilà, on va prendre des exemples issus de notre usage. Comment est-ce qu'on utilise, nous, la notion de CAIR sur notre... La transition, elle est toute faite parce que c'est justement l'exemple que je vais essayer de développer, c'est sur cette question, comment on peut institutionnaliser ou comment l'institution sociale, notamment sur mon terrain, s'approprie cette question de bien-traitance ou du bon CAIR. Deux mots sur le terrain sur lequel je travaille, c'est un foyer, notamment un des terrains, c'est un foyer pour jeunes qui sont entre 15 et 21 ans, placés par voie juridique ou administrative dans ce foyer, c'est des jeunes qui font face à des difficultés diverses et variées. On trouve des violences familiales et interfamiliales aux jeunes qui sont migrantes et qui ne sont isolés, ou toute forme de précarité des parents, de perte de domicile ou du travail, et que les parents ne peuvent plus assumer la charge de leurs jeunes. La spécificité de ce foyer, c'est un foyer pour jeunes femmes, c'est une jeune fille. J'utilise le terme femme, je pourrais en discuter après, mais c'est fait exprès, donc c'est des jeunes femmes, parce que je considère que l'utilisation du terme femme, je vais le dire en deux mots, c'est elles sont considérées comme des majeures. Elles signent des contrats de prise en charge, elles signent des contrats de individuels et personnalisés. Elles sont considérées comme des personnes morales et physiques, dans le sens où elles doivent répondre à des exigences du code de l'action sociale. Donc du coup, cette question c'est qu'il y a un rapport de pouvoir d'âge qui est complètement mis en avant, et du coup, voilà, j'utilise le terme de femme. Bon, c'est le cas que je vais présenter, c'est très, on dirait, c'est un détail finalement. Et finalement, cette histoire de Caire, c'est que des détails. C'est un détail, c'est le cas d'une éducatrice qui écoute derrière les portes. Une éducatrice qui écoute derrière les portes et qui, pendant les réunions collectives, vient développer ce qu'elle écoute derrière les portes. J'ai raconté une petite histoire. Donc voilà, c'est une éducatrice qui a écouté derrière une porte que la jeune allait donner 50 euros. Parce que les jeunes, ils ont des téléphones portables personnels, mais pour téléphoner de l'institution, ils doivent demander à l'établissement, et elles ont 20 minutes par mois, par fille, pour passer des appels. Normalement, que pour la famille, le copain, c'est pas considéré comme la famille. Donc déjà, on est dans la transgression des règles du foyer. Elle apprend ça, elle l'écrit, elle le garde pour elle, et le mardi, il y a la réunion collective de tous les éducateurs, elle présente cette histoire en disant, voilà, j'ai entendu tel jeune demander qu'elle allait donner 50 euros à son copain, et ça a créé une grande problématique, dans le sens où on ne donne pas l'argent, ça, l'argent qu'on leur donne, c'est pas pour qu'elle le redistribue. C'est ce que je pouvais observer, c'est ce que j'ai noté, cette conception que le travail social, qu'elle est là, quand on l'aide, c'est pas pour qu'elle aide les autres, qu'on est là pour qu'elle a déjà assez de problèmes comme ça dans sa vie pour qu'elle ne s'en charge pas des problèmes de son copain, et qui est déjà son copain, c'est toute une question, voilà, ça crée tout un débat. Je vais procéder par tableau, à chaque étape, je vais donner quelques détails, comme ça on peut un peu continuer dans cette effervescence de détails. Donc l'éducatrice, le premier tableau serait l'éducatrice est intérimaire, elle a été embauchée pendant les vacances, en remplacement pour un mois. Donc elle dit que ça rentre dans son éthique professionnelle de collecter l'information. Elle parle de glaner, en fait. Elle donne l'image de glaner l'information. Donc voilà, l'histoire des 50 euros. Au terme de la réunion, donc on note, il y a un compte rendu de la réunion, il note tout ce qui s'est dit, et il y a dans un classeur, il classe le relevé de décision de ce qu'il a été décidé, et notamment dans le cas de cette jeune, il a été décidé de ne pas lui donner les 50 euros pour qu'elle les donne à son copain, sachant que l'équipe ne devait pas savoir qu'elle allait les donner pour son copain. En tout cas, de motiver leur choix, de trouver une solution d'ensemble pour ne pas lui donner ces 50 euros. Ici, déjà, on fait face à une forme de tension à l'intérieur du travail social, qui est celle de la loi de 2002, qui stipule protège le respect de la dignité, l'intégrité et la vie privée et l'intimité. Donc, la loi de 2002 défend, bec et ongle, cette question des droits de l'usager, et notamment à la protection de sa vie privée. Ici, le fait de marquer dans un cahier que la jeune, dans un relevé de décision, que la jeune va donner les 50 euros à un copain, déjà on est dans la transgression par rapport à la loi, qui ne permet pas, en dehors de la personne, de l'éducateur référent de la jeune, de savoir ce genre de détails. Ça fait partie de la vie intime de la jeune, donc du coup, on est déjà dans une forme de transgression. Le deuxième tableau, cette éducatrice donc, est une mère célibataire qui a du mal à trouver un emploi stable, multiplie les missions d'intérim. Son incapacité à se fixer dans un lieu résulte aussi qu'elle habite loin de Paris, donc en Picardie, elle habitait. Et le choix de la mission est relatif au coût de la babysitter et du transport pour venir. Là, c'est une équation assez compliquée de trouver dans ce genre de contexte du travail. Voilà. Et lors de son entretien, le directeur de l'établissement lui vend une histoire comme si elle fait bien son travail, et si elle montre qu'elle est capable de s'intégrer à la culture de l'institution, parce que c'est une institution qui est centenaire, dans le sens où oui, elle était orphelinat, gérée par les sœurs, et à partir des années 50, elle a été laïquisée ou institutionnalisée d'une manière administrative. Ça, sous la loi, ça a devenu l'association 1901. Donc, il lui vend que si elle intègre cette culture du lieu, elle pourra être embauchée peut-être dans une forme de ou en déterminé et même peut-être en CDI. Et ceci serait discuté à la fin de sa mission d'un mois. Donc, tout au long de la... Ainsi, avec ce deuxième tableau, ce qu'on peut comprendre, c'est toute l'explication et les tentatives d'explication de l'éducatrice et de justification de l'éducatrice par rapport à ses collègues, dans le sens où elle disait et elle répétait à plusieurs fois que c'est l'éthique professionnelle. Il faut trouver l'information, il faut arriver à trouver cette information et les détails de la vie des jeunes, surtout que les jeunes ne donnent pas ce genre de détails. Donc, doublement valoriser cette information qu'elle a réussi à glaner, dans le sens où elle est au plus profond de l'intimité et en même temps c'est au nom d'une protection de la vie de cette jeune. Et elle fait référence dans ses explications à sa posture d'éducatrice, donc à son professionnalisme, et à sa posture de mère d'enfant. Donc, elle, en tant que mère, elle aurait fait la même chose pour sa fille, elle aurait glané des informations derrière la porte. Finalement, ici, la question aussi de l'éthique pourrait être questionnée par rapport à cette position de précarité de cette éducatrice et de sa nécessité de s'affirmer professionnellement au sein de cette équipe. Le troisième tableau, l'éducatrice est une femme de 37 ans, la jeune est une adolescente de 17 ans et demi. Cette dernière, donc la jeune, est catégorisée par l'équipe comme caractérielle, lunatique, qui a une manière directe et parfois irrespectueuse, même impertinente, à s'adresser et à s'exprimer par rapport aux adultes. Ces éléments sont accessibles pour toute l'équipe éducative. Toute l'équipe éducative dans le dossier, il y a un dossier que toute l'équipe peut à laquelle peut accéder. Donc normalement, où il y a des informations qui ne sont pas forcément très privées ou qui ne relèvent pas de la loi de 2002, qui sont un peu plus dans l'ordre de l'utilisation de travail quotidien d'accompagnement, où ces éléments sont consignés. Donc on trouve que la jeune, qu'il faut faire attention à ses sauts d'humeur, qu'elle est caractérielle, qu'elle est hystérique. L'assignation de l'hystérie aux femmes n'est pas anodine. Cette jeune femme est au foyer depuis 6 mois, ne parle pas de ses relations amoureuses, a du mal avec son budget, a des problèmes de santé, elle a l'hépatite, père absent, mère avec des problèmes de couple avec son nouveau compagnon, change souvent d'amoureux. Tous ces éléments-là, on peut trouver dans cette fiche. Donc la jeune est placée, mais sa sœur jumelle, elle vit chez sa mère. Donc toute une histoire familiale très compliquée. Voilà. Ce deuxième tableau nous permet de questionner cette question d'éthique par rapport au droit de contrôler ou le droit sur la vie d'autrui. Si je reprends un peu les sphères et les frontières morales que développait Tronto tout à l'heure, serait une question de questionner cette morale à partir de la morale et du point de vue moral. Je reviendrai à la fin pour conclure sur cette question de morale et point de vue moral, mais je l'introduis juste, voilà, il reste un tableau et j'ai fini. Donc, le quatrième tableau, la jeune est primo-arrivante. Dans l'histoire familiale, sa sœur, elle était arrivée avec sa mère lorsqu'elle avait 5 ans, mais la jeune est arrivée en France à l'âge de 15 ans. C'est ça, 2 ans et demi qu'elle était en France, donc d'origine congolaise. L'éducatrice est d'origine picarde. Je ne sais pas si on dit origine picarde. Donc, l'ambiance, et surtout l'ambiance au foyer pendant cette période-là, était focalisée sur la sexualité des Africaines. Déjà, l'appellation africaine, c'est un peu abstrait, on ne sait pas ce que c'est. Hein, c'est un continent noir, a priori, où on se questionnait sur pourquoi ces jeunes, il y en avait plusieurs, qui avaient des relations avec des hommes un peu plus vieux. Et qu'elles défendaient ça sous une forme d'une pratique, en tout cas les éducatrices, elles comprenaient ça comme une forme de pratique culturelle de ces jeunes de l'Afrique de l'Ouest, qui serait d'avoir un sugar daddy, en anglais, qui serait d'avoir un vieux qui financerait ses vêtements, lui achèterait des chaussures. Donc c'était tout un questionnement très... c'était une période de tension réelle, donc on surveillait, il fallait marquer si on notait quelque chose un nouveau habit qui coûte très cher, qui serait en dehors du budget. C'était une période très tendue. Donc on est dans ce contexte-là. On est dans un contexte national de la chasse des immigrés. On était au début du mandat de Sarkozy, où donc la place des immigrés, la jeune fille, elle était en train de préparer son dossier pour le titre de séjour. Qu'elle n'avait pas forcément, même si la mère était française, où elle a eu un titre de séjour de résidente, elle était résidente française. Donc on était dans un contexte assez tendu sur ces questions-là. Donc, pour finir, et on reviendra dessus après, quel est notre dilemme ici? Quelle est la réelle question? La réelle question dans ce cas pratique est autour du travail social aujourd'hui. Le travail social aujourd'hui, si je veux, ou je cherche à le comprendre à travers les théories du CAIR, on est dans un contexte du travail social où il faut produire des dossiers, produire des informations sur les usagers, produire des informations coûte que coûte, parce qu'on est dans un contexte où il faut produire beaucoup. Les éducatrices, notamment dans ce foyer, pour une éducatrice gère 7 jeunes, elle est référente de 7 jeunes, ça veut dire qu'elle suit 7 dossiers. C'est une masse de travail énorme. Elle doit produire tous les mois des rapports, tous les trimestres des rapports, en plus des rapports circonstanciés ou des rapports de situations liées à l'emploi ou à l'éducation ou à la santé. Donc on est dans une... Tout est bon pour glaner finalement ces informations. Et finalement, glaner l'information dans le contexte du travail social aujourd'hui n'est pas forcément problématique d'un point de vue de bonne morale que ça. Finalement, cette bonne morale qui nous dirait ne pas écouter derrière les portes serait peut-être questionnable vu le contexte social et politique du travail social. Le travail social et l'action éducative en général. Il y a une longue littérature sur le travail social, sur le contexte actuel, des nouvelles règles d'Astier, à Chauvière, à Jacquion, toute cette production de la nouvelle littérature, nouvelle ou pas, sur le travail social, questionne notamment cet esprit managérial, cette grande précarisation à l'intérieur des travailleurs sociaux et de la pratique d'accompagnement aujourd'hui. Finalement, pour conclure, voilà, je suis à la bourre. Comment comprendre, je vais finir sur des questions, comment comprendre cette éthique professionnelle de l'éducatrice dans le contexte politique de l'exercice de sa profession? Quel système de valeurs morales choisir? Est-ce que la morale de l'institution ou la morale de l'éduc ou le sens éthique de l'éduc, de l'institution ou de la jeune, faut-il privilégier pour essayer de comprendre ce genre d'interaction? Quelle est la place du contexte social et politique de l'action pour déterminer et comprendre l'action et le sujet de l'action? Un dernier point qui serait la dernière frontière de Gilligan sur la sphère privée et la sphère publique. Finalement, le fait de ne pas lui accorder les 50 euros serait une forme de dépossession de la décision de choisir ce qu'elle veut faire avec son argent. Finalement, c'est l'État qui distribue, c'est l'État, c'est les collectivités territoriales, mais c'est abstraitement, c'est l'État qui lui verse un budget, qu'elle a le droit à un budget calculé par jour et par son âge et par si elle travaille ou pas, pourquoi questionner ce qu'elle en fait de ses 50 euros. Donc voilà, merci. Alors c'est intéressant parce qu'on on s'est un peu changé nos exemples, en même temps on a des approches un peu différentes. Alors après vous avoir défendu en quoi la notion de care avait une force critique, en fait je me rends compte que je ne vous ai pas introduit le fait que dans mon travail de recherche, moi j'en avais un usage assez ponctuel finalement de la notion de care. Je ne fais pas ma recherche sous l'égide des théories du care. Il se trouve que j'en ai un usage ponctuel parce que je trouve ça éclairant. Là je vais plus vous développer pour ce qui fait pour moi quelque chose comme la force descriptive de la notion de care, mais aussi parce qu'elle vient à la fois en contrepoint d'autres théories, d'autres discours descriptifs de ce que j'étudie, et à la fois parce que il me semble que dans ce que j'ai pu moi lire des travaux autour du care, il y avait la place pour justement s'intéresser aux dimensions ambivalentes du care, et à mon avis c'est les dimensions ambivalentes du care qui se déploient dans ce que j'étudie. Donc moi je travaille sur les hospitalisations sous contrainte, sur plus généralement la question de la contrainte dans le soin psychiatrique. Alors à la fois des dispositifs et des pratiques qui sont d'une certaine façon surchargés d'un discours critique pour en rendre compte. Alors il y a évidemment tous les travaux de Goffman, Foucault, etc., toute la vision critique de l'asile, qui a pu être portée par les professionnels eux-mêmes. Enfin, les psychiatres n'ont pas été les derniers à critiquer les pratiques qui se déroulaient en hôpital psychiatrique. Et la question qui se posait à moi, mais qui en fait se pose à toute une série de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur la prison, la psychiatrie et le travail social, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre compte des pratiques et comment on fait pour en rendre compte avec justesse et peut-être face à un moment, un certain épuisement des discours qui rabattaient ces pratiques uniquement, ça ne veut pas dire que ces dimensions sont absentes, mais uniquement sur des pratiques de discipline, de contrôle, de contraintes, d'abus. Il y a un moment où, à la fois, ça veut pas dire qu'il restait pas certaines dimensions, ces dimensions étaient complètement absentes, mais il y a un moment donné où ces descriptions ne permettaient pas de retrouver le sens des pratiques et d'en rendre compte parfaitement. Alors ça ne veut pas dire que la notion de care, à un moment une de mes interventions à un colloque une fois avait été mal comprise, on m'avait limite accusé d'être, je ne sais pas, angélique ou acritique par le simple fait que j'utilisais cette notion de care dans ma description, alors qu'il me semblait que mon intervention mettait en évidence le fait que dans cette activité qui prenait en charge les personnes, il y avait le point problématique et qui est perpétuellement problématique, qui est celui de la voix de la personne. Qu'est-ce qu'on fait de la voix de la personne et quelle place on donne à la voix de la personne dont on prend soin, précisément dans ces situations où on estime que la personne n'est pas capable de dire ce qui est bon pour elle-même. On est précisément en contexte psychiatrique dans des... on voit bien dans l'exemple donné par Wassim qu'il y a différents modes de disqualification du discours des personnes, que ça peut se faire sur un mode psychologique, sur un mode éducatif, sur un mode et a fortiori sur un mode psychiatrique. Disons que le discours psychiatrique, c'est un registre où la disqualification de la personne apparaît avec le plus d'évidence et en plus se concrétise dans cette procédure qui est évidente, où ça se matérialise, qui est l'hospitalisation sous contrainte. Alors aujourd'hui ça s'appelle les soins sous contrainte, mais qui est une procédure juridique qui à la fois matérialise mais en même temps encadre cette pratique de contrainte. Alors peut-être essayer de juste donner quelques éléments de l'exemple que je voulais vous donner, c'est une situation qui est en fait la situation d'une jeune femme qui n'est pas hospitalisée sous contrainte à ce moment-là, qui est suivie en extra-hospitalier, qui est suivie par une équipe de psychiatrie. Et quand je la rencontre, moi, pour la première fois, elle vient apparemment de son plein gré. La première fois que je la vois, elle est assise en attendant son rendez-vous. Apparemment, tout va bien. Et apparemment, sa situation sort a priori de mon sujet de recherche qui porte sur la question de la contrainte dans le soin. Sa situation attire mon attention initialement par deux éléments, par la question de sa contraception quand elle est abordée par l'équipe et par la question de ce qui l'a fait venir. Alors la première question, c'est la contraception. elle est accompagnée par cette équipe chez le gynécologue qui va traiter une mycose en plus, mais apparemment c'est l'équipe qui a décidé qu'elle recevrait une contraception par injection, donc qui dure 3 mois, quelle place a été donnée à la voix de cette jeune femme pour savoir si elle voulait ou non cette contraception, quels étaient, je sais pas, les effets secondaires possibles, est-ce qu'elle était consciente du fait que c'était une contraception pour 3 mois, enfin tous ces éléments là, il y avait manifestement pas eu une nécessité apparente de l'informer et de lui demander ce qu'elle en pensait avant de lui donner cette contraception. Deuxième élément, elle vient en fait tous les jours à l'équipe d'accueil d'urgence de cette équipe psychiatrique. C'est une équipe psychiatrique qui est organisée en sous-équipe comme l'est aujourd'hui la psychiatrie publique. Et donc il y a une équipe d'accueil d'urgence dont les locaux sont dans le même bâtiment que le service d'hospitalisation. Et elle vient donc tous les jours voir cette équipe, alors que son accueil ne relève pas spécialement de l'urgence. Et elle reçoit à cette occasion ses soins psychiatriques, ses soins somatiques, donc le traitement de sa mycose, mais aussi le suivi et le traitement de son diabète. Et elle est aussi, on lui fait prendre une douche. Elle la prend, on la fait prendre, et à un moment c'était plus ou moins imposé, là elle s'y prête apparemment relativement de son plein gré, et elle prend souvent un repas sur le lieu de l'hôpital. Sauf que si elle vient tous les jours, c'est pas parce qu'elle a finalement accepté cette prise en charge par l'équipe, c'est parce que c'est la condition plus ou moins explicite pour recevoir l'argent qui lui est alloué quotidiennement par sa tutrice, parce que c'est une jeune femme qui est sous curatelle renforcée, et donc elle est contrainte, dans un accord avec son équipe psychiatrique et sa tutrice, à venir chercher son argent tous les jours sur les lieux de la clinique, et l'équipe reconnaît explicitement que c'est... pense assez sincèrement que c'est ce qui permet de l'accrocher aux soins, parce qu'ils n'arrivent pas à l'accrocher autrement. Et l'équipe n'arrête pas de se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils pourraient organiser les soins à domicile en faisant éventuellement intervenir d'autres personnes, des infirmières libérales, éventuellement un portage de repas par la mairie à domicile. Sauf que leur problème, c'est que s'ils n'ont pas la contrainte de l'argent, comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle ouvre sa porte à d'autres intervenants? En plus, qui serait moins familier, mais donc il y a cette dimension de familiarité, mais il y a une conscience que le point d'accroche et le point de chantage, en fait, c'est cet argent. Alors, cette situation, elle pose toute une série de questions. Il y a énormément de conflits au sein de l'équipe autour de cette prise en charge. Alors, de manière en filigrane, on voit parfois effleurer des questions éthiques. Enfin non, il y a un certain nombre de questions éthiques qui sont soulevées. Finalement, la question de la contraception, ça pose par moment. Il y a une infirmière qui dit « mais est-ce que c'est pas un peu intrusif ?» Et puis, la question passe. Il y a la question de savoir est-ce qu'on n'est pas dans une, enfin pour, du point de vue de cette équipe, est-ce qu'on n'est pas dans une intervention trop extensive, trop intrusive, est-ce que la psychiatrie n'en fait pas trop, est-ce qu'on n'est pas dans une poursuite du travail de, est-ce qu'ils appellent ça le patient tutélaire, est-ce qu'on n'en est pas en train de reproduire ce que faisait l'asile mais à l'extérieur. Mais il y a aussi beaucoup, énormément de questions autour de la lourdeur de cette prise en charge, et notamment il y a une tension entre est-ce qu'on continue cette prise en charge extrêmement lourde, ou est-ce que c'est pas, et puis au sein de l'équipe psychiatrique, est-ce que c'est pas à telle ou telle autre sous-équipe de faire cette prise en charge. L'équipe d'urgence estime que normalement eux ils font l'accueil d'urgence, donc éventuellement ils peuvent suivre les personnes sur plusieurs jours, semaines, éventuellement semaines, c'est une équipe qui est assez souple dans son fonctionnement, mais pas sur plusieurs mois pour une prise en charge ordinaire. Et là, en l'occurrence, cette jeune femme, elle a pas des troubles, elle n'est pas dans un état de troubles psychiques aigus, elle a ses troubles ordinaires, mais elle n'est pas, c'est pas de l'urgence psychiatrique selon l'évaluation de cette équipe. Il y a cette dimension, il se trouve que l'ensemble des tâches qui sont autour de cette jeune femme sont considérées partiellement comme des tâches ingrates et mal reconnues. Il faut donc l'accompagner chez les médecins, il faut s'occuper de sa toilette, éventuellement il faut s'occuper de l'accompagner acheter un pantalon parce qu'ils ont repéré qu'elle n'avait plus qu'un seul pantalon qui était troué. Ils ont fait des visites à domicile et ils ont repéré qu'il allait falloir mettre en état son appartement qui est dans un état très dégradé. Elle a arraché les dalles et le revêtement du sol, les toilettes sont complètement bouchées, l'appartement est dans un état de désordre et de saleté assez indescriptible et le frigo est vide. Et donc il faut, il y a une série de tâches. Alors c'est une équipe qui assume et qui est assez convaincue que le soin peut passer par l'accompagnement au quotidien et qui ne répugne pas forcément à faire des tâches, par exemple de remise en état d'un appartement pour que la personne puisse le réinvestir après une hospitalisation. Mais en l'occurrence, là, elle ne s'assigne pas comme mission de prendre en charge ce type de tâches au quotidien, et dans la durée, en fait, on voit que ces tâches, elles redeviennent des tâches potentiellement ingrates. Alors, je vais finir vite parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Il me semble que ce qu'apporte... Alors, évidemment, on peut mettre en évidence dans cette situation de façon très aisée à la fois la dimension coercitive évidente, en plus hors d'un cadre légal, la dimension de contrôle, le paternalisme qui est à l'œuvre, le caractère intrusif et extensif de cette intervention. Finalement, ils interviennent dans quasiment tous les domaines de sa vie. La place de ce qu'elle en dit est très faible, c'est partiellement assumé sur un certain nombre d'éléments de cette situation. Il y a des psychiatres qui à plusieurs reprises disent mais il ne faut pas lui demander, il faut le faire, il faut lui dire venez on va faire ça, venez on va prendre une douche, il ne faut pas lui demander, en assumant l'idée que assumer une position d'autorité par rapport à cette jeune femme, ça a une certaine efficacité dans sa prise en charge, c'est-à-dire que si on adopte une position d'autorité, ben, elle va, d'une certaine façon, elle va s'y soumettre aussi sans avoir besoin d'exercer forcément un rapport de force physique, mais tout simplement en adoptant cette position d'autorité. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que cette intervention, elle est extensive, mais elle est interprétée à la fois dans le contexte de cette jeune femme et aussi dans le contexte institutionnel plus large, comme aussi ce que tu analysais, Wassim, à savoir le fait, d'abord, qui éventuellement serait susceptible d'intervenir autour de cette jeune femme. Il se trouve que cette jeune femme, elle est non seulement précaire, mais elle est assez isolée. Elle est, à part l'équipe psychiatrique, il y a sa tutrice. Wassim disait que les éducateurs avaient sept jeunes dont ils s'occupaient. Les tuteurs professionnels ont parfois jusqu'à 70 dossiers. De personnes sous tutelle. Alors toutes les personnes sous tutelle n'exigent pas forcément un accompagnement dense, mais il y a des personnes qui exigent éventuellement un accompagnement quasi quotidien, et les tuteurs professionnels ne sont pas forcément en mesure d'exercer cet accompagnement quotidien qui leur est aujourd'hui assigné par la loi de 2007. Hein. Il y a sa tutrice et il y a sa mère quand même qui de temps en temps appelle régulièrement l'équipe, soit pour les alerter sur la situation de sa fille, soit pour les insulter parce qu'elle estime qu'ils ont fait n'importe quoi dans la prise en charge. Il se trouve que l'équipe estime qu'il y a un diagnostic psychiatrique à porter sur la mère et elle ne l'utilise pas. Ça se retrouve dans un certain nombre de situations. C'est-à-dire l'équipe psychiatrique qui dit la mère elle est folle de toute façon. Ça c'est un usage courant, mais là en l'occurrence il pense qu'elle est vraiment pas capable, et en l'occurrence la garde de sa fille lui avait été retirée très petite. Et en l'occurrence, et c'est pas le seul élément qui font qu'ils jugent que la mère est pas capable, c'est aussi en voyant l'état tant du logement, l'état sanitaire de la jeune femme, et l'état de ses vêtements et l'état du logement, où d'une certaine façon, ils ont pu constater le déficit de care dont a été victime la jeune femme. Elle vit actuellement dans un littéralement un taudis, elle se nourrit mal. Si l'équipe a été amenée à... pourquoi est-ce que l'équipe a été amenée à intervenir dans sa contraception et pourquoi en fait l'équipe y est sensible et lâche pas cette question, nous s'en mêle, c'est aussi qu'elle a été amenée à... Les deux fois où elle a été amenée à intervenir dans l'histoire de cette jeune femme, la première fois c'était... lors de sa première grossesse qui s'est terminée en fausse couche, et la deuxième fois c'était lors de sa seconde grossesse, alertée par l'équipe de gynéco-obstétrique qui avait fait un signalement à la DAS pour envisager soit une prise en charge mère-enfant, soit éventuellement le placement de l'enfant à la naissance, et il se trouve que l'enfant a été placé, alors là pas à l'initiative de l'équipe psychiatrique, par le parcours de DAS, équipe gynéco-obstétrique, l'enfant a été placé quelques jours après la naissance. Et d'une certaine façon, l'équipe a perçu le danger d'une nouvelle grossesse. Ce qui fait que, en fait, l'équipe a une intervention extensive, coercitive et intrusive, face aussi à une sensibilité, à des dangers, à des risques, à des besoins qu'elle perçoit, et qu'elle perçoit avec une certaine urgence et une certaine importance, parce que les questions qu'elle se pose, c'est si on arrête d'intervenir, est-ce qu'on ne se retrouve pas en état d'abandonner cette jeune femme à sa situation? Est-ce qu'on va la laisser vivre dans ces conditions? Est-ce qu'on peut admettre ça, qu'on la laisse vivre dans ces conditions? Si on ne prend pas en charge son diabète, on sait par ailleurs que les personnes souffrant de troubles psychiques graves ont une espérance de vie qui est peut-être de 15 ans inférieure à celle des personnes qui ne souffrent pas de troubles psychiques graves, y compris par un défaut d'accès aux soins somatiques, justement. Donc cette équipe, elle réalise l'accompagnement vers des soins somatiques. Donc cette équipe, elle intervient face à des besoins urgents et elle se soucie, y compris d'accompagner cette jeune femme à acheter des pantalons parce qu'elle n'en a pas forcément. Donc on voit bien que cette situation, elle est difficile et ambivalente. Elle met en évidence, d'un point de vue institutionnel, une question qui n'a pas été posée lors du mouvement de désinstitutionnalisation. L'asile comme institution psychiatrique avait tous ses effets, toute la dimension critique, on la connaît, mais constituait une espèce de prise en charge totale de personnes souffrant de troubles psychiques graves. Une fois qu'on a considéré que les personnes, un, avaient vocation à vivre hors de l'hôpital, deux, que dans un effort de réduction des coûts, évidemment, que représente une hospitalisation, et dans la logique de réduction des lits à l'hôpital, on a donc progressivement tendu à réduire les durées d'hospitalisation. Donc, par ces deux logiques, à la fois politiques et économiques, les personnes souffrant de troubles psychiques graves sont trouvées amenées à vivre, pour leur majorité, hors de l'hôpital. Et la question, et les soins psychiatriques ont tendu à se resserrer autour des soins médicaux. Et ce qui reste en charge, c'est la question de l'accompagnement au quotidien dont peuvent avoir besoin les personnes. Quand les familles étaient là, elles se sont retrouvées en première ligne pour répondre à ces besoins d'accompagnement. Et quand les personnes n'ont pas de famille, très souvent, elles s'en sont retrouvées face à des équipes effectivement qui ont redéfini leur activité autour du soin médical et éventuellement se sont retrouvées sans cet accompagnement nécessaire. Ici, on est une équipe qui intervient de manière extensive, mais aussi parce que c'est une équipe qui a continué d'attribuer dans ses missions un accompagnement des personnes dans la cité. Dans les missions qu'elle s'est assignées, il y a celui de se dire que sa mission, c'était aussi de rendre possible la vie dans le milieu ordinaire des personnes. Par ailleurs, un autre élément, je termine là-dessus, il y a le fait que cette équipe, on retrouve en fait les quatre dimensions du CARE, et ici, défini par Tronto. Et ici, le problème, c'est pas tant que les différentes phases du CARE, elles sont éclatées et dispersées entre différents agents, qui fait que le CARE est mal fait, que celui qui ordonne les soins n'est pas celui qui les réalise, et donc que les besoins sont mal identifiés ou que la réponse aux besoins est mal faite. Là, on est plutôt dans un CARE qui est trop intégré, parce que l'équipe psychiatrique, c'est à la fois ceux qui se soucient de cette jeune femme, qui se soucient de son sort, qu'est-ce qu'elle va devenir, et c'est à la fois ceux qui ont les moyens de répondre à ses besoins, parce qu'ils sont une équipe, ils ne sont pas la tutrice qui est toute seule face à cette jeune femme, et ils peuvent éventuellement l'accompagner pour des soins, ils peuvent l'accompagner pour des soins somatiques, éventuellement réaliser certains de ces soins somatiques, par exemple le suivi du diabète, de façon ordinaire, ils peuvent le faire. Et ils sont aussi ceux qui ont, parmi leurs registres d'action, la possibilité matérielle, ceux qui ont la possibilité matérielle et qui ont à leur disposition, dans leur registre d'action, la possibilité d'agir de façon contrainte sur leur personne. C'est-à-dire qu'avec cette pratique des hospitalisations sous contrainte, il ne leur paraît pas totalement illégitime dans certaines situations d'agir sans l'avis de la personne ou contre l'avis de la personne, parce qu'ils estiment qu'il y a un certain nombre de situations où les personnes ne sont pas en situation de déterminer elles-mêmes quel est leur propre bien. Par exemple, à propos de l'usage de l'argent comme outil de chantage, l'un des médecins dit c'est du soin sous contrainte, c'est du soin sans consentement, donc il l'assume, et en même temps, il identifie le caractère problématique de cette pratique, et tout de suite après avoir soulevé la question critique que pose cette qualification, tout de suite après, il enchaîne en disant « mais de toute façon, elle n'est pas capable de consentir ». Donc comme elle n'est pas capable, il faut bien intervenir dans cette situation où elle n'est pas capable en fait. Et donc ils ont à leur recours à la fois les moyens de la contrainte et à la fois les moyens de justification de la contrainte, les moyens de légitimation de leur pratique de contrainte. Okay. On arrête là, merci beaucoup. Merci. Il y a une certaine réticence hein, de la part des sociologues, en tout cas de ceux qui se reconnaissent en sociologie critique, hein, d'utiliser cette notion de Pierre, en fait, qui aplatirait les questions de domination. Mais là, vous avez vraiment bien montré, je trouve, la pluralité de ces théories et vous les avez... et puis les illustrer à partir de vos travaux sur les questions qu'elle permet d'éclairer, et notamment les conditions, sur les conditions de travail. Il nous reste 25 minutes. Je pense que c'est le moment de la discussion. Donc prenez la parole. Alors, vous pouvez aussi évoquer des questionnements liés à vos propres recherches. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision, si on a été trop vite sur certains trucs, si vous avez... Vous dire comment ça vous fait réagir. Aussi pour les travaux, du cœur, et justement, c'est un peu la difficulté, je trouve. C'est autant au niveau descriptif, c'est tout à fait éclairant et ça aide vraiment. Autant quand on se rend compte que finalement le cœur est une dimension normative, par exemple, ça m'a même pas demandé dans quelle mesure ici je vais parler de cœur, dans quelle mesure ce n'est pas plaqué une définition sur ça. Et me demander finalement si une façon de remédier à cette contradiction ne serait pas de partir de la question de la généralité, puisque sur les théories du cœur, finalement, le cœur, ça permet de reconnaître qu'on est tous vulnérables, plus grands les uns que les autres. Finalement, autant le travail social que la psychiatrie définissent une vulnérabilité spécifique. C'est les serfs qui sont vulnérables, c'est ceux-là qui occupent. C'est peut-être là que pour un sociologue, on peut faire émerger la dimension critique, vraiment utiliser le cœur comme outil descriptif, et en même temps se rendre compte que les activités de cœur sont également appréhendables d'un point de vue critique. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que vous travaillez sur quoi ? Je travaille sur le soutien à la parole. Et vous intervenez demain d'accord. un colloque qui va être très intéressant sur le traitement et contrainte. On peut donner des éléments. Hein. Oui, traitement et contrainte, je crois qu'il y a des... Ouais. Demain et après-demain, il va y avoir à Bobigny un colloque qui s'appelle qui est sur traitement et contrainte, et où un certain nombre d'ailleurs de communications mobilisent la notion de care, précisément dans un dialogue avec la contrainte. L'institution totale. C'est donc... parce que dans les critiques de ça devient facile, enfin, c'est aujourd'hui facile comme vous disiez d'un point de vue critique des auteurs institutions. C'est facile et difficile. Hein. c'est facile et difficile, enfin, c'est difficile quand on cherche à appréhender toute la complexité, tu parlais de justesse, et je trouve ça juste. Comment rendre justice passer par la vulnérabilité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, enfin, mais Wassim, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que j'essaye de pas plaquer j'utilise parfois moi le terme de care, j'essaye de parler c'est un terme anglais, alors on est parvenu sur le fait de garder le terme anglais. L'intérêt du terme anglais c'est qu'on continue à maintenir la pluralité des sens, à la fois le fait que c'est une attention, une disposition, à la fois une pratique, et que c'est à la fois ça garde à la fois l'ambivalence, et ça fait le fait de le garder comme concept aussi, ça lui garde sa force une bande qui renouvelle la réflexion. Maintenant, dans la description, ce qui est peut-être intéressant, c'est de décliner, de passer par la palette du vocabulaire qu'on a à notre disposition. Vulnérabilité, c'est un terme intéressant, ça fait partie des termes qu'on rencontre notamment manifestement sur ton terrain, c'est un terme idiomatique, donc c'est un terme qui est à la fois utilisable, mais qui est à commenter en fait. Parce que c'est un terme qu'on retrouve sur notre terrain, on ne peut pas l'utiliser de façon simple, parce que vulnérable, c'est un mode de qualification des personnes qui, effectivement, légitime l'intervention. Et effectivement, je pense que l'un des points que tu soulèves et que je trouve aussi hyper intéressant, c'est le fait que, effectivement, les théories du care, elles attirent l'attention sur le fait qu'on est tous dépendants du care d'autrui. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui éventuellement ont une dépendance plus spécifique? Est-ce qu'on peut vraiment dire fondre la dépendance spécifique de certains dans le fait qu'on est tous dépendants? Est-ce que c'est éclairant ou est-ce que ça écrase pas la différence sur le fait que oui, peut-être qu'on est tous dépendants, mais qu'il y en a qui dépendent du soin des autres pour leur survie et d'autres qui peuvent à peu près survivre tout seuls, quoi. En l'occurrence, par exemple, c'est les jeunes femmes, à la limite, elle survit toute seule, hein, elle sait se débrouiller dans la rue. Hein, Non, c'est pas le terme de vulnérabilité, c'est un peu joli dans le quotidien. Ils vont parler. Ils peuvent dire de certaines personnes, ils vont pouvoir dire de la mère, à cette mère elle est très folle, ou ils peuvent dire de tel patient, il est très fou, dans un usage ordinaire, c'est pour dire. Cette jeune femme, ils vont souligner le fait qu'ils vont trouver éventuellement inhumain les conditions de vie, par exemple dans son appartement. Ils disent qu'est-ce que ça veut dire de la laisser dans cet appartement. Alors là, c'est moi qui traduis. Est-ce que c'est des conditions de vie humaines? Mais ils vont juger que c'est éventuellement des conditions dégradantes. C'est là où on voit les allants de soi dans. Il y a certains types d'interventions qui ne sont pas requestionnées et qui, du coup, n'ont pas besoin d'être explicitées. Parce que ça va de soi que c'est inacceptable. La possibilité d'une nouvelle grossesse est quasi inacceptable. C'est ce qui fait que la contraception est à peine... Enfin, à un moment donné, il y a bien l'idée, et en plus, il y a une histoire autour de la contraception des personnes handicapées, des personnes souffrant de troubles psychiques, il y a une histoire critique. De la contraception forcée. Alors là, c'est pas de la stérilisation, c'est une contraception, mais c'est quand même une contraception durable. Donc il y a bien un moment où il y a quelque chose qui quand même c'est pas tout à fait. Mais en même temps, même ceux qui arrivent à porter la critique n'arrivent pas à la tenir parce qu'ils sont pas prêts à assumer le fait que. C'est une équipe, c'est intéressant parce que la question de la contraception, c'est intéressant parce que c'est une équipe qui est capable de poser la question de quels risques sont acceptables pour une personne, mais. Pour une personne qui a seulement des troubles psychiatriques, la question du risque de grossesse, bizarrement, tout d'un coup, là, ils ne sont plus dans ce qu'ils ont pu réfléchir et travailler, ils sont dans un registre plus affectif, et du coup, ils n'arrivent pas à le questionner complètement. Ou alors, il s'agit de prendre soin de qui? Est-ce qu'il s'agit de prendre soin de cette femme-là, en lui évitant une grossesse? Est-ce qu'il s'agit de prendre soin de l'éventuel enfant à naître? Mais sauf que cette discussion-là, par exemple, elle n'est pas formulée. On peut faire la discussion éthique, l'élaboration éthique, on pourrait faire une modélisation éthique, mais sauf que c'est pas ce qui est proposé, enfin, c'est pas ce que l'équipe fait, c'est latent, ça peut être latent, mais c'est pas... Juste un petit mot sur la question de la vulnérabilité. J'ai un problème avec ce terme-là parce que je le retrouve, par exemple, dans le langage indigène, lorsqu'il s'agit d'un cas... très très fort ou très tragique ou très donc du coup toute la question que je me pose à chaque fois d'utiliser un terme ou pas c'est est-ce qu'il me permet finalement de décrire le sens de cette action ou le sens de ce que je veux en faire le sens de cette pratique. Mais la question lorsque je disais au début j'utilise les jeunes filles au lieu des jeunes femmes par exemple parce que j'ai l'impression que si je l'utilise jeune fille je vais reproduire le rapport de force institué par les travailleurs sociaux, ce rapport de force, ce rapport d'âge, ce rapport de pouvoir d'âge sur ces jeunes là, où on parle en termes toujours de jeunes, la jeune, l'adolescente, la post-adolescente, elle fait sa crise d'adolescence et du coup j'ai fait le choix d'utiliser ce terme là mais la question est Oui. Alors, je crois qu'il y a une question. Merci beaucoup. Je suis dans l'université américaine. Et c'est intéressant parce qu'en fait, là-bas, enfin, je suis à Berkeley, on se réfère au Caire en parlant de, en mentionnant la généalogie allemande, de généalogie allemande. Donc on parle de Sorge et on parle de. Le souci, là. Voilà, de la dimension du souci, pas seulement. Enfin, le soin et la vulnérabilité, certes, mais aussi le souci, cette dimension à la fois morale et dimension de contrainte aussi. C'est-à-dire comment le souci est imposé. Sur l'autre et sur soi-même. Et puis il y a cette autre généalogie qui est la notion de résistance à travers le soin de l'étude alternative. Et juste, je pose ça un peu parce que moi, ce qui m'intéresse moi, c'est la question de la relation soin. Pas du soin en tant que quelque chose de donné, mais de comment, cette idée de soin médiatise la relation. Et c'est vraiment ce qui apparaît dans les deux cas de pratique que vous mettez en exergue. C'est comment ça constitue non seulement la femme, mais aussi la femme soignante, ou l'homme soignant, ou l'équipe soignante. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur cette dimension de relation. Pareil, je travaille au CHU Pointe-à-Pitre, je suis en cours de formation. Et notamment, je pense à la question de la relation avec les non-vieillissants, avec toute cette question de repenser le lien social, en fait, à travers l'histoire coloniale, l'importance de la relation. Juste un petit mot, c'est la pertinence de Tronto lorsqu'elle utilise le terme de processus pratique, que j'aime beaucoup, parce que dans le processus pratique, pour moi, je vois de la résistance de ceux qui reçoivent, comme je vois la logique d'apporter ou de donner ou de participer aux soins de la personne. Donc du coup, cette question, la centralité de cette affaire, c'est ça finalement, c'est comment... d'écrire cette question de relation de soins, comment comprendre cette interaction entre celui qui a ce pouvoir d'aider l'autre et jusqu'à quel point on peut accepter qu'on nous aide ou que comment nous on peut questionner en tout cas cette relation de soins, comment elle est instituée dans le cadre administratif, social et politique actuel. C'est marrant, lorsque tu parles de glissant, ça me parle beaucoup. Et je trouve que j'ai commencé à lire et essayer de l'utiliser dans mon travail assez tardivement. Et pourtant, j'en ai plein des noirs, des racialisés ou des ethnicisés. Et la question de comment penser cette relation de soins entre un blanc ou une blanche et une noire ou n'importe. Et comment essayer de sortir les rapports de pouvoir ethnicisé dans ce cadre d'interaction sous contrainte ou pas. Réellement, ça permet d'ouvrir ce concept du Caire et de l'actualiser, et notamment le travail de Glenn par rapport aux femmes de ménage noires américaines dans les années 90 à New York permet de voir ça. Par exemple, les dentillères à la PHP, c'est pas seulement les patients, Complètement, ça. C'est pas pour rien que dans l'institution où j'étais, une grande majorité des éducatrices, elles étaient anti-aise. Et elles avaient une position de pouvoir aussi à l'intérieur de l'institution. Et dans leur relation de soins, elles avaient une position à part des autres. Et je le voyais par rapport à moi, mal racialisé, autocisé. Dans ce genre d'interaction, j'avais la possibilité de toucher celles qui n'avaient pas de papier, qui avaient des problèmes de papier, et qu'on partageait, hein, et ça me permettait de rentrer dans la compréhension de leur... Et me parler de choses dans leur quotidien, que si j'étais blanc, je ne connaissais pas cette histoire de papier, que je n'avais pas un savoir par rapport à ces questions de papier de séjour, je n'aurais pas eu accès. Et comme le fait d'être un homme, par rapport à ce genre d'interaction ou de foyer où il n'y a que des nanas, j'avais pas la possibilité de rentrer dans certaines sphères de discussion ou de toucher certains. Du coup, c'est complètement parlant d'où on parle, d'où parle notre relation de soins. Alors moi, pour le coup, j'ai pas la référence à Glissant. Enfin, je l'ai pas. Mais du coup, ça me voilà, ça serait. Je connais Edouard Glissant, mais j'ai pas fait le lien. On voit bien ce qu'apporte le fait d'additionner les filiations dans la tradition du souci, du orgueil. Il y avait pas cette dimension située selon le genre, selon la racialisation, et du coup, ça. Mais par contre, du coup, pareil sur le souci, j'avais pas rajouter l'articulation de contraintes, soucis, éventuellement ça m'intéresserait que vous développiez cette dimension là par contre sur la question de la relation, il y a aussi tous les travaux d'Anselm Strauss sur la relation de soins et notamment sur le fait que concevoir le travail de soins évidemment comme n'étant pas seulement le fait des seuls professionnels ou des seuls soignants ou des seuls médecins mais bien regarder tous ceux qui effectuent ce travail de soins, dont les proches mais dont le patient en lui-même qui participe à la définition du travail de soins et pas seulement au titre de la décision médicale partagée, de ces nouveaux cadres de décision qui sont plus ou moins effectifs, mais tout simplement, et ça ensuite, il y a effectivement en anthropologie, il y a aussi les travaux de Sylvie Finzan qui travaille sur les relations de vérité et de mensonge entre les soignants et les patients. Il y a ce que les uns et les autres disent, il y a le fait aussi de pouvoir aller à une consultation, de ne pas y aller, enfin, il y a évidemment. Y compris évidemment dans ces relations de soins contraints, une part active, éventuellement une part subie, enfin il ne s'agit pas de dénier la place de la contrainte, il y a une part subie, mais il y a aussi une part active, et toute cette réflexion que fait l'équipe là dans l'exemple que je vous ai donné sur comment est-ce qu'on peut intervenir, il y a tout à la fois un effacement de la parole du patient, une non-prise en compte, et en même temps une espèce de dialogue par rapport aux résistances de fait qu'oppose cette jeune femme. Ils évaluent ce qu'ils vont pouvoir lui faire accepter ou pas lui faire accepter. Ils sont sur une espèce de tension avec évidemment le risque qu'à un moment la corde casse et qu'elle s'éloigne trop en fait. Hein. Il y a toujours le risque, après tout, qu'à un moment donné, elle renonce à venir chercher son argent, qu'elle renonce aux soins en contact avec l'équipe de psychiatrie et qu'elle se débrouille sans eux. Quoi. Et donc ils sont dans qu'est-ce qu'on peut, à la fois ils lui imposent une contrainte et à la fois ils sont dans qu'est-ce qu'on peut lui faire accepter, sachant qu'ils peuvent pas être en permanence dans le rapport de force physique, c'est trop coûteux à tout niveau, d'un point de vue éthique et d'un point de vue pratique. Mais il y a, même dans les situations de contrainte assez explicites, il y a la part active de la personne, ce qui n'enlève pas la part de contrainte et de contrôle, hein, mais ce qui en fait pas un pur produit passif récepteur du traitement qu'on lui fait. Plusieurs reprises de sentiments. Est-ce que vous vous intéressez aux émotions qui sont manifestées entre les différents acteurs? Est-ce que vous pensez que ça a un rôle dans les relations qu'ils entretiennent, dans la manière de prendre en charge les personnes? Je ne sais pas si je suis claire. Moi, j'entends beaucoup, par exemple, des éducateurs dire qu'ils l'aiment pas, là, cette jeune, qu'ils l'aiment pas, ou les jeunes qui disent qu'ils les aiment pas, cette éducatrice. Et même dans un moment d'esprit collectif de révolte à l'intérieur du foyer, même si ce n'était pas une vraie révolte, mais c'est une vraie révolte, il n'y a pas eu une prise de pouvoir, il y a eu la rédaction une forme de rapport sur les éducateurs, c'était très intéressant. Et du coup, ils catégorisaient à leur manière les jeunes, ils ont fait une réunion, ils ont catégorisé les éducateurs. Telle éducatrice, de toute façon, elle pense qu'à elle-même, elle est toujours au téléphone, l'autre, elle pique de la bouffe du frigo pour les ramener chez elle. Elles ont fait tout un constat de. Mais le problème des sentiments, on est là dans des sentiments monnayés. Et le sentiment, finalement, il est dans une lecture de valorisation. C'est que l'éducatrice, comme j'essaie de l'expliquer dans l'exemple, c'est que plus je montre que je te connais, ou que je connais la jeune que j'ai en charge, plus je suis bien vu dans le système actuel. En tout cas, plus je suis, que j'ai moins de problèmes avec ma direction, en contexte de la précarité du travail aujourd'hui. Et dans l'autre sens, la jeune, lorsqu'elle dit qu'elle n'aime pas cette éducatrice, elle sera, et elles peuvent se bagarrer, même la frapper et l'insulter, elle sera obligée d'aller accepter de faire la paix avec elle pour pouvoir avoir son argent de poche, pour avoir ses sorties, pour pouvoir avoir. On est dans les sentiments où. Qui suivent une forme de logique institutionnelle et logique de prise en charge éducative qu'on retrouve dans le champ du social aujourd'hui. Pas seulement dans ce genre de structure, ça, on retrouve aussi dans d'autres types de travail social. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est juste un témoignage. La place de l'émotion, c'est un sujet compliqué. Je pense que je ne le traite pas en tant que tel, mais je le traite dans la description des actions. C'est-à-dire qu'on voit bien dans certaines situations, par exemple dans cette situation-là, mais dans d'autres situations, des formes à l'œuvre, des formes d'attachement et d'investissement dans certaines situations, notamment pour des patients qui sont suivis sur la longue durée. Les équipes psychiatriques, elles travaillent sur les équipes de psychiatrie publique, elles travaillent sur un territoire, et donc les patients, quand ils sont hospitalisés, ils sont réhospitalisés à chaque fois dans la même équipe, généralement. C'est une prise en charge territorialisée. Et du coup, éventuellement, il y a des formes d'attachement à certains patients, d'investissement. Ça peut être un premier type d'émotion, un deuxième type d'émotion. Par exemple, pour un patient qui, à un moment, est pris en charge quasiment en continu dans le service d'hospitalisation, à un moment, il s'enfuit de l'hôpital et l'équipe se dit, mais mince, mais il est parti en pyjama, il va avoir froid, il diffuse un avis de recherche, il est en hospitalisation libre, hein, donc ça suffit, ils ne sont pas censés faire déployer une activité folle. Il diffuse un avis de recherche dans les circuits de la PHP, ils en reparlent, ils sont inquiets. Bon. Ils peuvent dire qu'ils sont touchés par tel ou tel patient. Et là, ça rentre en dialogue avec la norme de bonne distance. Il y a des effets, au contraire, des effets de rejet qui vont avec des effets d'illégitimation d'une personne dans le service d'hospitalisation, ce qui fait qu'il peut y avoir un discours sur certains patients qui n'ont rien à faire là et qui profitent voire abusent du service du coup au lieu de rentrer dans le registre du souci, du soin, on rentre dans le registre de la désapprobation morale, donc on n'est plus ni dans le registre de l'évaluation neutre de l'état pathologique de la personne, on devient dans le registre de la désapprobation morale. Et peut-être là, mais là c'est ce qui me vient un peu comme ça, la troisième émotion qui a une place certaine dans mon travail, c'est la question de la peur. Qu'est-ce qu'ils font de la peur, comment ils la traitent, comment à la fois il y a dans la socialisation professionnelle, il y a une déprise de certaines formes de peur initiale qu'ils pouvaient avoir, et à la fois comment la peur reste un moteur dans leur définition du bon traitement des personnes et notamment la question de l'admission en service d'hospitalisation ou de la tentative soit de transfert du patient vers un autre service, soit de pour estimer que l'hospitalisation n'est pas la bonne, n'est pas pertinente dans cette situation. Il y a clairement une place de la peur, qui est latente, évidemment pas pour tous les patients qui font pas peur, mais il y a des situations qui font peur manifestement. La psychiatrie fait, même pour les professionnels, à la fois ont un rapport spécifique à la peur et à la fois ça reste très actif. Mais pareil, je sais pas si c'est forcément, et on, enfin, dans le, on voit qu'il y a à la fois des normes du bon affect à avoir vis-à-vis du patient dans le soin, et à la fois il y a tous ces affects qui viennent se glisser dans les situations d'illégitimité ou dans les situations d'attachement, de fait d'être touché, qui ont plus un rapport avec la sphère privée qu'avec. Mais on voit bien que justement, être dans la relation à des personnes, ça mobilise, ça peut pas être entièrement. Il peut pas y avoir une coupure totale entre les normes professionnelles et les affects et jugements privés. Moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant la question de la production décrite, en fait. Wassim l'a évoqué, je ne sais pas si Delphine, tu travailles à partir de ça, mais c'est un matériau, en fait, intéressant. Il y a Delphine Serre qui a travaillé sur le rapport à l'écrit des assistantes sociales. Bon, elle n'utilise pas du tout le concept de CARE, mais elle travaille sur les questions morales aussi, hein, d'abord les questions morales. Moi j'avais plutôt des questions de qu'est-ce que vous en faites, est-ce que vous le. Ça fait partie de. Des matériaux d'enquête. les écrits, ça, dans mon institution, il y a beaucoup de types d'écrits. Ça, les écrits institutionnels, dans le sens des rapports qui doivent être retransmis au service bailleur, au bailleur finalement, c'est contrôleur et bailleur, et les écrits internes, qui ne sont pas normalement accessibles à tout le monde, qui sont de l'ordre des outils de travail, donc les cahiers de transmission des informations. Donc, il y a ça, c'est tout un gros corpus aussi de matériaux d'écrits. Et le troisième, c'est les écrits des jeunes, en fait. Parce qu'elles écrivent, même si c'est pas consignable dans le sens où elles écrivent dans les toilettes, elles écrivent dans leurs murs, elles écrivent sur leurs murs, elles écrivent des poèmes, ça, pas des poèmes, des écrits comme ça. Pour leur vie, ça pour oui, il y a ça aussi, elles écrivent leur propre injonction, ça leur propre lecture biographique, ça une autobiographie, une forme de relater les différents faits, parce qu'on leur demande ça aussi lorsqu'elles arrivent, certaines notamment, qui on va les pousser à écrire leur parcours, parce que leur parcours ou les informations qu'ils ont de leur dossier est tellement pas homogène ou pas avec des gros trous, donc l'institution n'a pas des moyens pour reconnaître ça, parce qu'elle a fait plusieurs institutions, son dossier a été perdu, ça peut avoir plusieurs raisons. Elles vont chercher à demander et à poser cette injonction d'écriture de leur parcours, et c'est très intéressant. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais beaucoup de choses, mais la question la plus difficile, c'est j'essaie de comprendre. Il y a une forme d'injonction, il y a une forme de, notamment sur les rapports, tout ce qui est rapports, par exemple, je vois très bien comment les rapports, il y a une forme de normalisation de l'écrit. Il y a une culture, finalement, lorsque le directeur parle de culture d'institution, cette culture d'institution, elle ressort complètement dans les écrits et les rapports. Une éducatrice qui vient d'arriver au foyer, elle décrit les situations, elle fait un rapport sur la jeune qui est complètement différent des autres, et son rapport et sa manière d'écrire va évoluer au fur du temps qu'elle va passer à l'institution. Il y a des normes d'écriture, des manières, des mots à utiliser, des adjectifs pour caractériser la jeune, pour caractériser tel aspect de la jeune. Et il y a une forme d'homogénéisation des écrits. Et il y a, donc ça c'est un aspect, l'autre aspect c'est toute cette question de l'injonction biographique. C'est la place de la biographie de l'individu pour la prise en charge. Et notamment j'aborde la question de plus tu me donnes d'informations sur ta vie, plus je pourrai t'aider pour t'accompagner, et plus tu pourras être au mieux accompagné. Donc une forme de dilemme comme ça, ou d'injonction qui est liée au travail social aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de travaux, Nicolas Duvaux, Astille, sur le récit de soi, sur cette injonction biographique, qui sont très intéressants à partager. En psychiatrie, alors il n'y a pas d'injonction au récit de soi, sauf pour des questions annexes, qui ne relèvent pas du soin psychiatrique, qui sont les demandes d'allocation adulte handicapé. Donc, dès qu'on rentre dans la question d'une demande sociale, qui est le registre du handicap, ou dans la question de la tutelle, et là, il y a éventuellement une dimension du récit de soi et du projet biographique. En psychiatrie, il n'y a pas ça. Il y a, comme dans toutes les autres dimensions du travail sur autrui institutionnalisé, une amplification de la tâche, de la place des tâches administratives et du fait de devoir rendre compte de ces activités au quotidien. Ça prend de plus en plus de place à la fois dans la tâche des médecins et des soignants. En psychiatrie, la dernière loi a encore rajouté des certificats. Donc il y a une démultiplication du nombre de certificats pour dans le cas des hospitalisations sous contrainte. Ces certificats sont à la fois démultipliés et du coup, les psychiatres, ils passent d'autant moins de temps. Ils sont réduits à la portion congrue. Il s'agit de justifier le fait qu'il y ait du soin sous contrainte. Donc il y a quelques symptômes qui sont donnés avec des termes techniques. Très peu d'éléments sur la situation à l'origine de l'hospitalisation de la personne et la mention quasiment stéréotypée du fait que la personne n'est pas en état de consentir à ses soins et selon le type d'hospitalisation ou de soins sans consentement qui est choisi, le fait que éventuellement elle représente un danger ou pas, donc il y a des justifications stéréotypées. Dans les dossiers, il y a à la fois il y a aussi la logique du fait que les... Mais c'est finalement, ça, en psychiatrie, ça marche pas cet effet-là. Mais dans le soin, en général, dans le soin médical, il y a l'effet de la loi 2002 sur le fait que les patients peuvent avoir accès à leur dossier, qui fait qu'éventuellement, il y a des effets d'autocensure des médecins quand ils remplissent les dossiers, ou alors le fait qu'ils vont séparer leurs notes personnelles et des notes qu'ils vont mettre dans le dossier. En psychiatrie, c'est plus qu'il y a à la fois déjà cette amplification des tâches administratives qui fait que les dossiers vont pas forcément être le lieu où il y a déjà suffisamment de temps qui est donné à l'inscription dans les ordinateurs de différentes choses pour faire qu'ils vont passer moins de temps à remplir les dossiers, donner des comptes rendus, des entretiens, etc. Il y a le fait qu'il y a une culture de l'oral, de la transmission orale, en tout cas dans les services que j'ai observés. Il y a le fait qu'il y a peut-être une perte de la culture clinique chez les psychiatres, hein, ce qui fait que les psychiatres ne passent pas un temps fou à rédiger des beaux cas cliniques. Ils écrivent, certains continuent, d'autres sont assez succincts. Et finalement, dans les dossiers, il y a des éléments qui sont intéressants pour moi parce qu'il y a la place notamment des chambres fermées et des types de contraintes qu'on impose aux patients, comme la mise en pyjama, le fait de donner un traitement, le fait de... il peut y avoir une série de contraintes qui apparaissent, mais ils sont assez succincts et c'est beaucoup d'éléments pratiques et c'est difficile à exploiter. Mais ce qui est vraiment intéressant, oui, c'est cette amplification de justification en fait, hein, qui est du temps en moins passé à prendre soin et aussi qui pousserait en fait dans l'idée peut-être à une réflexivité des soignants. Non. Réflexivité. Il y a une question. Ouais, mais c'est enfin juste ouais. La réflexivité, c'est pas dit. On rentre dans l'ordre de la justification. Effectivement, il faut rendre compte dans une logique hiérarchique. Éventuellement, ça va avec l'intériorisation d'un contrôle qui va être effectif ou non. C'est-à-dire que c'est pas toi qui souligne dans ton papier le fait que il y a une rétention des. Excuse-moi, je discute à la fois. Il y a une rétention des informations, mais en fait, les informations sont pas demandées par la hiérarchie, en fait, ils s'en fichent. Parce que tu pourras raconter ça. Mais il y a quand même l'intériorisation qui a un contrôle hiérarchique, mais du coup, au lieu que ça passe par effectivement une réflexivité sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et à quelle fin, et comment ça aboutit à des résultats pour la mission qu'on s'est donnée, ça aboutit plus à déployer une activité de justification aux dépens de l'activité réelle de soins et d'activité. Il y avait une autre intervention. C'est moi, je t'enlève ton son. Je crois que c'est intéressant. Complètement la suite de ça, mais dans les premières séances qu'on a fait sur management, donc moi plutôt sur l'université, Stéphane sur l'école et l'hôpital. Nicolas, et leur gestion sur l'hôpital. Et du coup, c'est marrant parce que à chaque fois c'est le thème qui retombe vachement sur cette idée de. Je sais pas, de soins en tout cas dans un sens élargi, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas un truc qui joue dans le fait qu'il y ait. C'est intéressant parce que c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'on va essayer de rationaliser et de rendre productif. Et du coup, ça rend complètement dans l'histoire qu'il faut en permanence justifier ce qu'on fait pour le matérialiser, le quantifier. Enfin, ça, c'est ma partie. Et du coup, voilà, de rendre plus proche du mode de fonctionnement normal du capitalisme, de voilà, ça coûte temps. Et du coup, la preuve, on a sorti. Cette personne par encadrant, je sais pas, enfin, par éducateur. Et donc, du coup, il y a une injonction contradictoire où, d'un côté, il faut faire du soin, être attentif, traiter les gens comme des êtres humains, etc. Et sinon, c'est la maltraitance. Et en même temps, être productif, être froid, être mécanique, c'est juste pas possible. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est des sujets très intéressants, parce que si c'était. Dans l'industrie automobile, ça paraîtrait normal. Mais du coup, là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui joue. Quoique dans l'industrie automobile, par exemple, les travaux autour de la psychodynamique du travail, auxquels participe Pascal Meunier, aussi ce psychologue qui est connu, comment est-ce qu'il s'appelle, mais qui montre que en fait, cette logique d'évaluation, même portée dans l'industrie automobile, par exemple, ça conduit à une évaluation individuelle des personnes, et du coup, ça, à force de vouloir aiguiser l'efficacité et la productivité de chaque travailleur considéré individuellement, pousse à la mise en concurrence des travailleurs et du coup enlève la capacité des travailleurs à compenser collectivement, à trouver des solutions collectives, à s'entraider et éventuellement à compenser les baisses individuelles ponctuelles. Et du coup, l'efficacité qui est gagnée individuellement, elle est perdue à un niveau collectif, hein, en dehors du fait qu'elle écrase les gens et qu'ensuite ils sont mal et qu'ensuite il y a des arrêts maladie et que du coup, voilà. Mais ça produit des effets aussi dans le travail qui n'est pas un travail de soin. Déshumanisé, d'aliéné en fait. De jour, Christophe. Oui. Et du coup, ça, c'est une violence aussi pour celui qui participe, parce que du coup, il ne peut pas avoir l'impression qu'il y a du sens à ce qu'il fait. Quoi. C'est censé être simplement un supplétif à la machine. Mm. Et là, c'est à la machine administrative, dans quel que soit le domaine d'application. Quoi. Mm. Mais alors, ouais, et du coup, moi j'ai l'impression que là-dedans, j'arrive pas à formuler qui est assez. Superficiel, à mon avis, pour l'instant, dans ma compréhension, mais de jouer un truc sur est-ce que ça pourrait à la fois permettre de surexploiter les gens, puisqu'on leur demande de faire deux trucs en même temps qui sont contradictoires et donc le choix leur justifie qu'ils ne sont pas assez et que c'est pas bien, et en même temps, ça pourrait aussi leur donner les moyens de résister mieux parce qu'ils peuvent toujours expliquer que c'est pas leur faute, c'est soit parce qu'il faut qu'ils s'occupent des patients qui sont des individus. Soit parce que de l'autre côté, ils n'ont pas assez de temps, ils n'ont pas assez d'argent, pas assez de moyens à leur disposition pour s'en occuper. Bon, évidemment, comme ils ne sont pas, comme c'est tout ça, dans les positions neutres, ils sont en position de salariés en tout cas, et plutôt ils sont du côté où ils subissent. Et j'ai l'impression que du même temps, il y a un côté, ça a un effet sur le travail, ça le modifie, du coup, il y a un côté dynamique là-dedans, au terrain, ça a l'air d'être des choses assez récentes, des évolutions légales, etc. assez récentes. Du coup, je pense que c'est intéressant de comprendre comment ça transforme ces institutions-là. Juste un petit exemple, dans la continuité de ce qu'on parlait sur les écrits, par exemple. Finalement, l'écrit, c'est le moyen de contrôle de l'administration, de la bureaucratie administrative. Le terme bureaucratie, c'est un peu hors contexte, mais... On pourrait parler d'écrit des façades, par exemple. Dans l'institution dans les institutions que j'ai pu voir, il y a les écrits qui sont, notamment par la loi de 2002, qui sont que le dossier, que l'usager a le droit d'accéder à son dossier, de vérifier son dossier. Il y a tout ce qui est rapport qu'on envoie. Donc c'est les écrits les plus professionnels, dans le sens où on ne sort pas des cadres. Mais on trouve d'autres écrits qui sont où ça serait le moment de réflexivité, mais même de cri de gueule, parce qu'il n'y a pas des cadres de régler les conflits quotidiens. L'institution à laquelle je fais référence, les institutions auxquelles je fais référence, c'est des institutions où on suit les jeunes du matin au soir. 24, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Je ne sais pas, toute l'année, c'est ouvert et il y a du monde. Donc, il y a tout un ensemble de problématiques qui sont liées aux conditions de travail, complètement, quelquefois aberrantes, de la convention 51 ou 65, dans laquelle s'inscrivent ce genre de travailleurs. D'une part, mais en dehors du cadre des revendications du travail, c'est aussi les conditions par rapport aux jeunes. En fait. Il y a une incompréhension, dans le sens où beaucoup des travailleuses avec qui j'ai travaillé, parce que j'ai fait une observation directe, mais aussi qui m'expliquaient que c'est impossible, c'est pas possible. On accepte de financer des formations à des jeunes qui ne les feront pas, et moi, ça fait 15 ans que je fais ce boulot, et je demande mon congé d'IF, ou je sais pas, ou le congé de formation, pour et ils ne me le donnent pas. Il y a une forme de mise en forme de confrontation de cette posture du professionnel par rapport à ça. Et du coup, il n'y a pas de lieu pour lui exprimer ça. Il y a des séances de réflexivité sur les cas cliniques avec une psy qui vient une fois par mois ou deux fois par mois pour un peu parler des cas problématiques et et du travail par rapport à ces cas-là, mais par rapport aux conditions et par rapport à aux pénibilités de certaines tâches, notamment celles les équipes qui font le soir, par exemple, et comment gérer la transmission, comment ils sont aussi dévalorisés à l'intérieur de l'organisation, de l'institution. Il y a tout un ensemble de lieux qui sont cristallisés dans les écrits quotidiens. Les écrits quotidiens, notamment le cahier de transmission, et là on trouve j'ai réussi à récupérer des archives, ça a quelques archives de ces. On trouve des moments de diatribe de deux pages où elle parle plus de la jeune, où il parle plus de la jeune, il parle de son problème avec tel machin, avec tel éducateur qui ne comprend pas les consignes, ou telle règle qui existe dans l'institution et qui est complètement. Et du coup, c'est. La douleur, question de douleur dans ce genre de travail, aujourd'hui aussi, elle est exprimée par l'écrit. Mais il manque de. Je n'ai pas en tête des travaux beaucoup sur cette question, et notamment sur cette question des cris de façade. J'ai l'impression que je l'ai lu quelque part, mais j'arrive pas. Ça va se développer, je pense. Bon, moi, je vais peut-être pas en là, on a déjà au-delà du moment. Je peux que vous inviter à venir au colloque traitement contrainte demain, que je ne co-organise pas. Hein. Je n'ai pas d'intérêt financier à ça. Personne, d'ailleurs. Personne, en fait. Tout le monde dépend d'une activité absolument non rémunérée, non prise en compte, non. Bref. Mais cette question, elle est posée parce que dans le colloque traitement contrainte, il y a le traitement. La contrainte qu'exercent éventuellement les professionnels sur le public dont ils s'occupent, mais il y a aussi la question des contraintes qui pèsent sur les professionnels et dont certains vont nous parler demain. Il se trouve que ce colloque sera retransmis sur Internet par ailleurs, pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à ce colloque, et je pense qu'il sera archivé pour les intervenants qui ont donné leur accord. C'est une vaste question que tu as ouverte qui nécessiterait de longs développements. Donc, peut-être pas maintenant. Merci à toutes et à tous. Donc, je vous rappelle, la semaine prochaine, c'est Luc Boltanski qui viendra parler des questions autour de son ouvrage de la critique et moins énigmes et complots comme je l'avais annoncé au départ. Plutôt de. Je viens de tuer.